donc maintenant, on va accueillir. Tenez-vous-en. Sur vos gardes. Et voilà, c'est tout. Donc, on va accueillir les gens pour le débat. Donc, Guigui. Ouais, salut GG. Salut Guigui. Ça va? Ça va. Judith. Salut, salut GG. Salut. Audrey. Ouais, salut GG. Christophe. Ouais, salut. Gabriel. Ouais. Oh, Gabriel, devant ton combiné, s'il te plaît. Ouais. Bon, il y en a déjà un qui a la radio derrière, donc s'il pouvait l'éteindre, ça serait bien, merci. Voilà, ça y est, c'est fait, parfait. Non, mais qu'il éteigne la radio, sinon tu le zappes, là. Et, voilà, c'est bon, ça y est, c'est fait. Et Norbert. Salut. Salut. Bon, donc, premier débat, c'était le débat qu'on avait fait sur l'intelligence. Alors... Ouais, ce que t'as pas, quoi. Comment ? Ce que t'as pas, quoi, en c'est fait. C'est pas sur toi, quoi. Non, non, il n'y a pas... C'est pas spécialement... Toi, tu vois intelligent, GG, hein. Alors, la première chose, c'est que Gérard est intelligent. Mais il l'est. T'es pas sur le pont de l'Alma. Le Gérard. Bon, celui qui commence à parler de pont de l'Alma, je préviens d'une chose, le pont de l'Alma, Christine et la loco... Alors, les chiottes de la loco, Homomag, tout ça. Ouais, ouais, c'est pas vite fait. Les cotons-tiges, pareil. Les cotons-tiges, hein. Ouais, mais ça sera toujours pas... Ça sera pareil, ils zapperont d'entrée. Ouais, c'est un débat sur quoi ? C'est un débat sur tout ce qui est... C'est un débat sur ce que c'est. La loco, c'est quoi ? Bon, allez hop ! Il y a quoi ? Tu me le chopes, là, celui-là, tu le calmes. Il y a Christine, les fonds de l'Alma, les cotons-tiges, la loco, après il y a. Ça, c'est des trucs qu'on a le droit de parler. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu vas parler de ça, tu vas écouter à la radio chez toi tout à l'heure. Tu vas gerber. Non, mais je vous enculer quand tu faisais l'amour avec Christine ou quand. Bon, qui c'est qui dit ça, là ? Oh, la nana, là ! Allô ? Qui c'est qui s'amuse à sortir ça ? C'est moi. Qui? Mais t'as fait l'amour avec Diana, c'est bon maintenant. Qui c'est qui dit ça? Hey, donnez vos noms parce que tout à l'heure vous allez tous jamais. On peut avancer dans le débat de l'intelligence. On peut avancer sur l'intelligence. Il a raison. Alors, première question sur le débat de l'intelligence, répétons la question. Ouais. Alors, d'après Boris Vian, celle-là on l'avait pas posée. Hein. D'après Boris Vian, le malheur avec un homme intelligent, c'est qu'il n'est jamais assez intelligent pour ne pas dire qu'il l'est. Il a pas pu le dire plus ça, intelligent, Boris êtes-vous du même avis que Boris Vian? Il a pas pu dire ça. Merci d'avoir coupé la parole. Maintenant, tu expliques ce que tu viens de dire. Non, mais maintenant, je vais pas... Attends, Gérard, tu peux répéter la question? Non, mais vous n'avez pas commencé. Ok. T'expliques ce que tu viens de dire parce qu'on n'a rien compris. Alors, d'après vous, d'après Boris Vian... Écoutez, soyez attentifs. Le malheur avec un homme intelligent, c'est qu'il n'est pas jamais assez intelligent pour ne pas se dire qu'il est le plus intelligent. Bon, êtes-vous du même êtes-vous du même avis que lui? Va apprendre à lire. Oh, si t'es pas content, toi, pétasse, tu dégages. Oh, allez, bonne nuit. Dehors. Je peux répondre. Oui. C'est Christophe. Ouais. Déjà, je me demande comment Boris Vian a pu... D'abord, on dit pas Boris Vian, on dit Boris Evian. Non, Boris Vian, s'il te plaît. Tu pourras vérifier. J'ai fait des études littéraires, là. Je suis en fac, troisième année littéraire. Ouais, mais on fait pas de pub pour... Boris Evian, et par ailleurs, c'est absolument pas lui qui a dit ça, vu que Boris Evian est mort depuis 25 ans. Donc... Ouais, on s'amuse pas à faire de la publicité pour de l'eau, d'accord. Je pense que, Gérard, excuse-moi, mais je pense qu'on est en train de parler d'intelligence. Moi-même, je suis étudiant. Je suis en troisième année littéraire, comme je t'ai dit. Et... Boris Vian n'a absolument jamais dit une telle chose. Alors je sais pas si on commence avec des débats erronés, je sais pas où ça va. Non mais si. Et Boris Vian a dit ça appuie. Gérard. Ouais. C'est Guigui. Ouais. Boris Vian a dit ça dans le livre J'irai cracher sur Gérard. D'accord, et ben Guigui, tu retournes chez toi, bonne nuit, ça t'apprendra. Au revoir. Si. Ah, Gigi, à la place. C'est Christophe, excusez-moi, je suis en train parce que Christophe. Je suis en train de consulter un livre. Ah, remonte un peu ton débat en main là. Bon, Christophe, c'est bon, Judith. Gérer le standard là. Non, Judith, tu l'as viré, maintenant c'est Mélanie à la place. Alors, Mélanie, bonsoir. Ça commence, Gérard, il va pas faire de cadeau cette année. Hein. Salut, Gégé. Ça va ? Bon, ouais. Moi, alors... Gérard, ta couche. Moi, j'aime bien Boris. Attends, Gabriel, si t'es pas contente, tu vas dégager aussi. Ouais, ta couche. Bon. Hein. Alors, réponds. Tu réponds à la question. Demande-moi, je te réponds, alors ta couche. Bon, alors, allez hop, dégage, ça t'apprendra. C'est toi qui auras accouché. Bon, allez, attends, on commence à gros PD. Comment ? Allez, tu la vires. Ouais, mais c'est bon. Hop, bonne nuit pour elle. Alors, mais il faut qu'il réponde aux questions, Gérard, c'est un débat. Norbert, quand même, mais là, commencez pas à insulter Gérard non plus, Norbert. Ça sert à rien. Ouais, parce que bon, il est là. Non, mais calmez-vous. Norbert, non, mais me parle devant ton micro, Gérard. Norbert, s'il te plaît, tu réponds. Norbert ! Olivier ! Bon, oui, allez, hop. Oui, Gérard ? Oh, tu te réveilles ? Gérard, oui, excuse-moi. Je me demandais juste une question pour toi, en fait. Est-ce que tu penses que c'est Boris Vian qui a fait soirée disco ? Bon, ouais, c'est pas la question que j'ai posée, hein, je te signale. Et toi, Gérard, tu penses quoi ? Ben moi, personnellement... Oui, choses parce que j'ai pas eu l'occasion de lire des bouquins de lui. Et toi, Mélanie, rien, faut les lire. Et Gérard, on n'a pas compris. Gérard, justement, si t'as jamais lu de ses livres, tu seras vraiment condamné. Boris Évian. Bon, allez, c'est bon, allez, toi, tu vas te calmer, s'il te plaît. Écoute, si t'es pas incapable d'écouter les gens qui ont une opinion différente de toi, c'est pas la peine de faire un débat sur l'intelligence. Non, mais c'est le débat du Best of 97. Oui, bien sûr, mais puisque c'est l'intelligence, il faut respecter l'opinion des autres. Ouais, mais dans ce cas-là, tu te dépêches de répondre à la question, tu mets pas 3 heures, ok? Mais tout à fait, je suis en train de t'y répondre. Ouais, justement. Ben attends. À la place de Gabriel, Sarah, et à la place de Guigui, on a Marcel. Ça va vite ce soir, Gérard. Il gère. Hein. Attention, on en est qu'à la première question. Il est seulement 1h moins 3 et 15 millions d'auditeurs. Sarah, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, j'habite à Bougainville. Moi, je pense. Parle plus fort, Sarah, on ne t'entend pas bien. Moi, je pense que Boris Évian, il a raison. Ouais. Ouais, on a, j'ai dit qu'on citait pas les marques d'eau, ok? Bah alors Boris Volvic, il a raison. Ouais. Mais Sarah, je sens que tout à l'heure tu as dégagé. Gérard, il a raison. Il y a Badouac qui avait écrit des trucs comme ça aussi. Bon, allez, hop, deuxième question, allez. Mais non, mais ça va trop vite là, c'est n'importe quoi. Bah, attends, on a dit Gérard, Pierre d'abord. C'est Marcel là. Mélanie, c'est une réponse. Marcel. Boris Saint-Cœur, il va fort. Gérard, c'est Marcel. Ouais, vas-y. Ouais, donc moi je voulais dire que Boris Vian, déjà, c'est pas vrai, il n'a jamais dit ça. Boris Évian. Laissez parler Marcel un peu. Non mais c'est Bado, pas toi. Et donc je voulais dire que Boris n'avait jamais dit ça, car en ce moment je suis donc à la fac de la loco. Et donc dans le livre Les fourmis rouges, il est vrai qu'il parle un petit peu de l'intelligence. Mais il n'a jamais parlé de ça, quoi. Mmh. C'est une chose qui est claire. Est-ce que je peux me permettre de justement... Non. Mais si, parce que je me rappelle plus son prénom, mais t'as raison. Effectivement, il n'en parle que dans la préface. Toi aussi, t'es en fac, donc tu connais le sujet. Publicité pour les facs. Mélanie. Non, mais attendez, vous êtes pas sympa parce que vous êtes en fac, mais Gérard, il est en fac, alors c'est pas bon pour vous. Bon, Mélanie, Mélanie. C'est pas moi. Bon, tu réponds à la question. Mais ouais, non, mais moi, je pense que Boris Vian, de toute façon, il a raison parce que je l'adore et il écrit vachement bien, alors je lui donne raison. Ouais, il a une belle écriture. Ouais, pour un gaucher, c'est vrai, il écrivait bien. D'accord. Et Norbert. Et moi, Gérard. Ben, Sarah. Oh, vous vous réveillez ou quoi? Eh ben moi, ça y est. On est réveillé, je sais, hein. Ah non, bah alors, vous, Norbert. Oui. Bon, tu réponds à la question ou pas? Bah, tu peux la répéter, s'il te plaît. Non, tu te fous de ma gueule, alors, dégage, bonne nuit. Dehors, celui-là. Bon, question numéro 2 sur le débat de l'intelligence, Gérard, il y avait une deuxième qu'on avait sélectionnée qui était. Et croyez-vous en une quelconque forme d'intelligence extraterrestre? Alors, Mélanie. Oui. Mélanie. Oui, bien sûr, tout ce qui est vivant est intelligent, d'une certaine manière. Mm-hmm. Comme Gérard. Comment? Eh hey Sarah, t'as envie de rentrer chez toi là? Mais j'ai pas parlé, c'est pas bon. Sarah, c'est Sophie. Il est con lui. Et avec un con comme moi, ça vise, avec un con comme toi, on se fait chier. Allez, Gérard, tu sais quoi, Gérard, c'est dommage, c'est que ça gueule là, ça fait que gueuler. Ouais, mais. Gérard, c'est Marcel là. Ouais. Personnellement, moi je pense que Boris a raison parce que l'intelligence n'est pas immédiate. Oh, c'est croyez-vous une quelconque forme d'intelligence extraterrestre? J'ai pas le droit de répondre, c'est Audrey. C'est Christophe, je voudrais répondre. Jean-Claude Bourré a démontré justement récemment que ça pouvait être, alors moi je dis oui, pourquoi pas. D'accord. Gérard, il s'est fait bourrer par Jean-Claude? Bah oui, tout à fait. Qui c'est qui vient de dire ça là, la fille? C'est Sophie. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là, la Sophie là? C'est Marcel. Qu'est-ce qu'elle vient de faire là, la Sophie? C'est pas de Sophie, hein. Comment ça? C'est Marcel, il a dit que tu t'étais fait bourrer par Jean-Claude. Mais qui a trompé? Rien dit, c'est moi qui l'ai bourré. Bon, Marcel, non, Jean-Claude, hein. Ouais. Gère un peu ton débat, genre, c'est n'importe quoi. Là. Bon, Judith, Judith, elle est plus là. J'ai pas répondu, moi. Hein. Qui? C'est Audrey. Oh là, eh ben, vas-y, Audrey. Ton truc, c'est nul, là. Moi, je voudrais dire qu'il y a toutes sortes d'intelligence dans le monde. Et Max est le plus intelligent et Hitler le plus beau. D'accord. Et Manu aussi. Marcel, il peut répondre? Vas-y. Moi, je voulais dire que oui, parce que quand même, toi, tu n'es pas un être humain, tu es une sorte d'extraterrestre, hein, tu es intelligent à ta manière. Nous, on est au-dessus de l'intelligence, toi, tu es quand même en dessous, il faut le dire, mais tu es intelligent à ta manière. Donc oui, nous croyons en une forme d'intelligence chez les extraterrestres. Et puis en même temps, c'est ce qui différencie un peu de l'animal au niveau de l'intelligence. Ouais, ça va différencier, toi? Ah oui, il a beaucoup plus de poils. Ben, Sarah? Oui, moi, je veux dire que les couples, il faut être deux. Oui. Non mais attends, c'est pas le thème du débat pour l'instant celle-là. Hein. Ah. C'est pas la question du débat. Il faut être intelligent pour être à deux. Ouais ben c'est pas du tout le débat de. Bah ouais, mais regarde, t'es tout seul. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? C'est bien que je pense. Ça veut peut-être dire quelque chose. Mais il Mélanie. Est pas tout seul, il a son portable. Excuse-moi, Gigi, oui. À la place de Norbert, on a Joachim. Bonsoir. Salut. Salut. Joachim. Salut. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Non, alors. Je peux répondre à la question? Oui. Bah, moi, je pense que Gérard, toi, t'es extra. Mmh. Je pense que t'es sur Terre. Mmh. Donc, déjà, on a extraterrestre. Ouais. Bon, au niveau de l'intelligence, c'est vrai que ça fait pas pour toi. Mmh. Donc, je pense que la question, c'est non, il n'existe pas de forme extraterrestre. 06-57-82-21-80. Non, allez, hop, bonne nuit pour lui. Je l'ai coupé. Tant pis, non, mais même, c'est pas la peine de le remettre. C'est pas la peine qu'il revienne, celui-là. Moi, je pense que c'est... Tu dis au revoir. Gérard, c'est Christophe, c'est ce que je peux... Tu travailles un peu, Fildar. Tu dis au revoir. Ouais. Gérard, c'est Christophe, au niveau de l'intelligence extraterrestre. Ouais. Moi, je pense que David Vincent les a vus et qu'il leur reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé, tu vois. Et à partir de là, effectivement, on peut se poser la question d'abord, déjà d'une part, de l'intelligence de David Vincent, si lui-même est intelligent ou pas, et puis ensuite, s'il existe une intelligence extraterrestre, au groupe aider. D'accord. Tout à fait. Okay. Gérard, toi, est-ce que tu penses, faut que tu répondes aux questions aussi que tu poses. Ah ben oui. Ouais, parce que vous, il faut lui demander son avis, les filles, parce que là... Alors Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, personnellement, aux extraterrestres, j'y crois pas, à l'intelligence, j'y crois. Donc tu crois pas à l'intelligence des extraterrestres? Tu peux toujours y croire à l'intelligence avant que tu l'aies, hein? Bah ouais. Voilà, t'en as pas. Est-ce que tu es intelligent, toi, Gérard? Mais pour pouvoir faire vivre. Mais pour, si je serais pas intelligent, je serais pas des débats, hein, brouti. Bah ouais, tu m'as cassé. Ouais. T'arrives pas à les maîtriser, tes débats. Mais ouais, mais si, j'arrive à vous maîtriser, parce que maintenant, vous allez me laisser poser les questions suivantes. Ouais, je trouve que tu commandes plutôt bien tes débats. Ouais, bah toi, tu as déjà pas recommencé par terre. Non, hein. Et on accueille Jojo à la place de Marcel. Bon, là, ça va trop vite, là. Eh oui, donc tu l'as dégagé, donc Jojo s'en va, et Marcel arrive. Alors, on y va. On va maintenant aborder un autre débat, je crois. Ouais, c'est les boss banques. Ah, bah, attends, Jojo, il veut peut-être répondre aux questions sur l'intelligence, quand même. Sur s'il l'a entendu. Moi, je pense qu'avec tous les films qu'on a vus au cinéma, bah ouais, c'est obligé, quoi. Il y a quelque part, ils sont là et quelque part, ils sont intelligents, quoi. La preuve, t'es là, GG. Ok. D'accord. Donc, le débat qu'on avait fait aussi en 97, c'était sur les boss banques. Alors, les boss banques. Oh, oh, les nanas, là. Se retourner, s'enfiler, bon, allez, hop, Jojo dehors, Christophe dehors. Non, Jojo, il a rien fait, là. Ouais, bah, vous chantez. Non, mais moi, je chante pas, j'attends la question. Non, c'est les nanas qui chantent, donc tu me vires toutes les nanas, Gérard, Philippe, et tu me gardes que les mecs, pour Gérard. Je sens qu'Audrey, Sarah et Mélanie, vous allez sortir. Ça y est, tu les as virés, Philippe. C'est Jojo, là, je peux te parler, je peux dire un truc. Vas-y. Bah, moi, je voulais dire que si un jour tu décidais de créer un groupe de boys band, moi, j'ai un nom pour toi. Les Jojo Squad dans l'immeuble. J'avais ne bande jamais. D'accord. Bon, ça c'est pas ton problème, c'est le mien, d'accord. Alors, si t'es les pas content. Les Jojo Squad dans l'immeuble, ça te planche pas. Bon, faut-il être gay pour... pige aussi. Bon, allez, dehors. Joachim. C'est Christophe. Eh ben, Christophe dehors. Voilà, ça, c'est bien. Allez. Non mais ils sont plus que deux là parce qu'on a viré toutes les nanas. Non mais maintenant tu remets les nanas si elles sont calmées. Si non, tu bah apparemment... les as calmées. Ah non, il les a virées. J'ai tout viré. Hein. Oh là là. Putain mais t'es vraiment con toi ce soir. Hein. Ah, et qu'est-ce que tu veux, tu me dis vire-les moi, qu'est-ce que je fais? Non mais t'es vraiment con là. On te dit de les mettre en attente, on t'a pas dit de leur raccrocher au nez, c'est pas ça. Ah bon, donc je les remets en air, ah d'accord. Tu remets tout le monde et ils vont se calmer. Bon, ben ça, Gérard, tu démarres très mal. Hein. Les gens sont très déçus sur Minitel, ils pensaient que c'était plus marrant que ça, ils sont très déçus. Ouais, mais quand tu vois que lui, il est pire que Manu, alors c'est pareil. Hein. T'es pas terrible, GG. Hein. Je crois que je vais m'en aller du studio parce que là, je crois que t'y arrives pas quand je suis là. Hein. De quoi? Qui c'est qui veut me parler? Ouais, c'est Audrey. Ouais. Et on n'a même pas le temps de répondre à tes questions, hein. Ouais, c'est un peu nul. Hein. Bon, je m'en vais, je te laisse tout seul et je reviendrai mettre les disques alors. Ouais. Voilà. Alors, sinon, excuse-moi Gérard, puisque t'as viré plein de mecs, je t'en donne d'autres. Donc, ta grosse caisse. Salut. Et puis pour le moment, je vais rappeler les autres. Ça va? À la place de qui, grosse caisse? À la place de Christophe. Alors, sérieux, moi. Je voulais réagir sur une fois, il y avait eu un truc sur les animaux. Non mais grosse caisse, pour l'instant c'est pas le débat, d'accord? Voilà, le débat c'est les boys band, alors c'est les cons. Ouais, ça tombe bien les animaux. Et Gérard, j'ai composé une chanson pour toi. Ouais, tu me diras ça tout à l'heure, d'accord? Faut-il... Alors, les boys band sont-ils des phoques? Bon alors, toi déjà tu as commencé par te taire, faut-il Gérard être... Oui. Ah, tu m'entends? C'est qui? C'est Sarah. Ouais. Ben moi je veux dire que les boys band, j'aime pas ça. Non mais attends, pour l'instant j'ai pas encore posé la question. Alors accouche. Non mais accouche, si t'es pas contente, ma petite, tu retournes. Mais accouche, tu dégages. Alors faut-il être gay pour faire partie d'un boys band? C'est-à-dire gay PD heureux, ou non, gay heureux. Joyeux. Heureux. Ah ben moi je dis c'est tous des gays, c'est tous des PD. Audrey elle veut répondre. Comme Émile. Toi. Émile à la place de Jojo. Mmh. Et déçu à la place de Joachim. Salut Gégé. Attends, mais Gérard. Gégé, c'est Mélanie. Gégé, c'est Grosse Caisse. Ouais, bah attends, bon, Grosse Caisse. Ou G-Squad. Bon, Grosse Caisse, pour l'instant, tu te testes, s'il te plaît. Mélanie veut répondre. Ouais, t'as pas répondu à la question, c'est à toi que je demandais. Non, mais moi, pour l'instant, Mélanie, elle veut répondre à la question. Ouais, mais Mélanie, c'est pas un boys. Mélanie, elle trouve que les boys bands, de toute façon, c'est de la merde. Mmh. Ils sont pas tous gays, heureux, mais ils sont franchement tous homos et ça se voit trop. Et j'ai rien contre les homos, mais franchement, mmh. ils sont pas. Ouais. C'est vrai, ça pue un peu du cul. D'accord. Un peu comme Gégé. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est pas moi, c'est Christian. Non, il n'y a pas de Christian pour l'instant. Ah, si Gérard il pue du cul, alors bah, c'est un cul à lui tout seul. Hein. Bah ça va. T'as qu'à demander à son PQ chez lui. Hein. Bah, c'est d'accord. Pour ça que tu mets toi coup de coton-tige. Hein. Alors, Grosse Caisse, bonne nuit. Bah, c'est pas Grosse Caisse. C'est qui? J'ai rien dit. C'est une nana qui a dit ça. C'est une nana. Mais moi, je te dis, j'ai pas peur, c'est Sarah, voilà. Tout à fait. Alors, c'est toi, Sarah? Oui, c'est moi, Sarah, c'est Princesse Sarah. Allez, bonne nuit. C'est toi qui l'as dit? Bonne nuit. T'as un cul à toi tout seul, Gérard. Eh ben, bonne nuit. Ça t'apprendra d'être poli. Hop. Alors, moi, Gérard, j'ai une question à te poser là. Ouais. Est-ce que tu te bats dessus quand tu regardes les boys bands? Non. Qui c'est qui pose cette question? Parce que moi je voulais juste ajouter que quand les boys bands ils te voient, ils se masturbent. Eh ben pour l'instant, tu vas te calmer un petit peu, Grosse Caisse. Gérard, qu'est-ce que t'en penses de ta question là? Ouais. C'est quoi ta question? Non, mais attends, Émile. Eh Gérard? Émilie? Non, Émile? Ouais. Tu veux répondre? Ah, moi je voulais simplement savoir si tu sais pour un choco. Comment? Attends, j'ai mal compris là ce que tu viens de dire. Je voulais savoir si tu suçais pour un choco. Alors, oui. Mais dans ce cas-là, bah, tu vas aller voir Fildar, il va t'expliquer comment que ça se passe un débat. C'est 100 francs à pied. Ok. Ok. Gérard, je voudrais répondre. C'est Audrey, vas-y. Ouais, bah moi je trouve que les boys band c'est tous des PD, c'est tous des pauvres cons, ils chantent mal et tout, mais moi je t'ai fait une petite chanson, c'est pas très long. Non mais parle un peu plus fort s'il te plaît. Ouais, c'est bon comme ça? Ouais. Alors ça fait je suis raide. Non mais c'est bon, on chante pas. J'ai une grosse caisse, Gérard. Tous les jours j'ai envie de toi. Bon ça y est, c'est bon. Gérard, j'ai une question à poser. GG, pas mal, ouais. Ouais, c'est grosse caisse, j'ai une question. Je voulais savoir si tu trouves ça bien quand World Apart, ils reprennent Jean-Jacques Goldman. Et alors? Chacun reprend qui veut, hein. Il y en a bien qui reprennent des chansons à Jacques Brel. Peut-être t'aimerais bien te faire reprendre par World Apart, toi. Bon, allez hop, Grosse Caisse, bonne nuit, ça t'apprendra d'être poli. Non, bonne nuit. Bonne nuit, seulement de tes remix. Il voudrait savoir si tes remix vont se faire de les reprendre par les World Apart. Non. Pourquoi? Manière, pour l'instant, il n'y a rien de sorti, donc. Mais tout à l'heure, j'ai entendu Max, il a passé les trucs. Et c'est pour ça que je demande. Eh ben, de manière, t'inquiète pas, vous avez qu'à écouter ce soir, on vous les repassera. Donc, Mais qui est World Apart? Petit cloche, celui-là. On parle de... On passe à la deuxième question, Gérard. Ouais. Non, mais Gérard, t'as pas répondu à la question, toi. Bah, réponds-toi, Gégé. Bah, moi, personnellement, avec leur musique, bon, de manière, moi, ça me dérange pas du tout, hein. Ouais, t'aimes plutôt bien ça. Donc, t'aimerais bien te faire reprendre. Mais non, mais putain, Grosse Caisse, tu t'écrases quand je parle, s'il te plaît, bah merci. Non, mais je te pose une question, c'est tout. Non, mais moi, je réponds à la question que j'ai posée. Moi, je parle de la bisexualité. Voilà. Gérard. Voilà, c'est tout. Gérard, ouais. Est-ce que tu crois que c'est vrai que certains boys bands voudraient sortir leur boîte de coton-tige personnalisée? Qui c'est qui dit ça? C'est déçu. Eh ben déçu, tu vas voir la boîte de coton-tige au standard. Bah pourquoi? Parce que t'as... J'en ai pas, Gérard, au standard des coton-tiges. Non, mais tu le reprends, tu lui dis que c'est pas Gérard, le thème des débats. Mais Gérard, c'est pas méchant, je te pose une question. Oui, mais moi, j'ai dit tout à l'heure lors des... Tu peux répéter la question? Non, je répéterai pas la question, bon. Je passe à la... Gérard, excuse-moi. Bon, déçu, s'excuse et on accueille Clotilde. Gérard, c'est Émile, ouais, bon, c'est bon, il m'a expliqué, on est reparti. Non, Émile et Clotilde à la place de Gabriel. Enfin, non, à la place de Sarah, pardon. GG, je peux te poser une question? Ouais. Allô. Toi, t'es boys, mais est-ce que tu bandes? J'ai déjà répondu que je répondrai pas sur des questions bidons. J'ai une question sérieuse. Non, mais attends, Grosse Caisse, tu permets, il y a une autre personne. Est-ce que tu trouves que les Spice Girls, c'est un bon boy band? Bon, Grosse Caisse, pour l'instant, tu te tais, j'ai pas entendu la seule qui est... Je répète, est-ce que tu trouves que les Spice Girls, c'est un bon boy band? Grosse Caisse, tu te tais, s'il te plaît. Et Gérard? Allô. Oh, c'est bon, vous attendez, s'il vous plaît. Stop, Clotilde. Tu peux répéter la question? Oui, bonsoir, Clotilde. Ouais. Bonsoir. Donc, tu veux répondre à la question? Oui. Bon, faut-il être gay pour faire partie d'un boss band, donc, pour toi? Oui, pour moi, il faut être gay. Mm-hmm. Et pour toi? Mais pourquoi? Parce que les boys band, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont contents. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Bon, tu me calmes celui-là, là. GG, Emile, il a pas répondu, là. Emile ? Ouais, alors, c'était quoi la question, déjà ? Non, mais tu te fous de moi, Emile, ou quoi ? Non, mais c'est tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'était un débat, j'ai pas pu écouter. Faut-il être gay pour faire partie d'un boys band ? C'est la dernière fois que je répète la question. Bah, alors, t'es moins gay, tu la radio, tu fais pas partie d'un boys band, hein ? Qui ? Bah, toi. Et moi, j'ai un scoop. Ouais. T'es pas gay ? J'ai le nom de famille à Gérard. Bah, non, vas-y, c'est quoi ? C'est m'en vu un alcoolique pareil. Qui c'est qui vient de dire ça ? Gérard m'en vu, c'est Christian. Qui c'est qui vient de dire... C'est oh, nana, là, qui c'est qui vient de dire ça ? J'ai rarement vu un alcoolique pareil. C'est Sarah. Non, Sarah, elle est plus là. Dénoncez-vous, les nanas, c'est pas drôle. C'est Clotilde. C'est pas moi, quoi. Alors, Clotilde, tu retournes chez toi, bonne nuit. Je t'emmerde. Eh ben, c'est bien, moi aussi. Oh. Moi aussi, je t'emmerde, pétasse. Allez, hop. Allez, GG, pas d'insulte. Hein. Dehors, celle-là, comme ça, ça y apprendra d'être poli. C'est bien parce que ça fait une, deux, trois. Ah, c'est grosse caisse, j'ai une question. C'est bien, ça fait quatre nénas en espace de. Je voulais savoir si tu trouves, Gérard, que les Space Girls, c'est un beau boy band. Mais ce sont des girls dans mon pays. Bon, et la suite, la musique a-t-elle. Rare. Oui. Mais t'as pas répondu à ma question. Moi, je pense que la différence d'âge là-dedans, ça n'a rien à voir. Oui. Gérard, c'est quoi la question ? Oh, mais merde, grosse caisse, tu m'emmerdes, hein. Mais c'est pas moi, j'ai rien dit. Bon, je voulais juste savoir si les Spice Girls c'est un bon boy band. Bon, allez, fais. Allez, Gérard, tu suces pour un choco. Bon, allez. Bon, ouais, là je vais. Tu fais quoi? Allez, hop, tu me vires les mecs là maintenant. Ça commence. Allez, deux chocos, Gérard. Allez, hop, allez, hop, hop, hop, hop. Gérard, on met un disque. Gérard, on met un disque. Vous allez réfléchir à la question d'après. Vous allez réfléchir à la question d'après. Vous commencez à me gonfler. Alors, la question d'après, Gérard, ça va être dans un instant. La musique a-t-elle atteint la profondeur en matière de débilité? Et je me rappelle encore dans ma tendre enfance quand ma mère et mon père étaient ensemble. Et je les ai peu connus parce que j'étais très petit, j'ai pas trop de souvenirs sur cette enfance que j'ai connue. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, on remonte. Donc, je dis. Ouais, d'accord, c'est ça. Donc, par rapport à notre. Putain, ça m'énerve d'entendre un mec qui dort comme ça, putain. L'autre, il se raconte sa vie, là, du... Hey, tu me vires, hein, je ne veux plus, hein. Gérard, mon amour, Gérard. Ouais. Daniela. Une question. Il n'y a pas de question à poser, là, les enfants, parce qu'on va speeder. Alors, réponds à la question, Gérard, parce qu'il est 2h du matin, il y a encore plein de questions, on va faire une pause, alors... Il est mauvais ce soir, Gérard, pas très bon, hein. Moi, je suis tout à fait pour que les femmes restent au foyer, c'est tout. Voilà. Non, là, c'est tout. Donc il y avait trois questions. Oui, t'as raison. Il y avait trois questions sur les femmes. Hein. Ah bon d'accord. Alors la dernière. Alors, donc la dernière, on va mettre. Non, mais on va pas la faire. Finalement, on va passer aux autres débats. Alors il y a deux autres débats qu'on va aborder, deux trois autres débats, et après il va y avoir donc des nouveaux auditeurs parce que c'est le best-of, donc on varie. Hein, donc vous vous rappelez de nouveau 0800 70 5000 et 0803 08 5000. Les prochains débats que nous allons aborder, Gérard, seront les animaux domestiques. Les deux. Hein, et après le prochain, les animaux domestiques et les vacances. Et les vacances. Donc si vous voulez répondre au best-of direct, bien entendu, et juste avant, Gérard de Disque, on va faire une petite pause, tiens, tu les annonces. Hop, vite. Maman. Alors, celui du bas d'abord et celui du haut après. Alors, les travelots à poil des flics. Et tout de suite, touche-toi petit, une dernière soif. Ouais, bon, d'accord. Une dernière soif, touche-toi petit. Et on se retrouve juste après pour la suite de la Radio Libre, best-of de Gérard en direct de ses débats 0800 70 5000. Tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Et voilà, c'est la suite du best-of 97. Oui, voilà, petite erreur de musique tout à l'heure. Donc, à la place de Touche Toi Petit, vous avez entendu Zas encore une fois. Et voilà, donc on accueille Jean-Luc. Allô ? On se réveille ! Allô ? On se réveille ! Allô ? On se réveille ! Allô ? Oui, on t'entend, Jean-Luc, vas-y. Salut, Gérard, salut tout le monde. Salut, Caroline, bonsoir. Salut. Salut, Sophie. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Sophie, bonsoir. Bonsoir, Stéphie. Magali, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Merci. Et Axel, bonsoir. Bonsoir, Gérard, bonne année. De même. Et on accueille Gigi et tu sais, les deux jumeaux là que j'avais. Je vais mettre les jumeaux. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Gigi. Bonsoir à tous. Bonsoir les jumeaux, là, vous vous réveillez s'il vous plaît. Je suis là. Ah ben, quand je vous dis bonsoir, vous vous réveillez s'il vous plaît. Tu n'as pas écouté, c'est tout. Ok, ben excuse-moi, alors j'étais en train de marquer des noms, c'est pour ça. Donc, on passe sur, donc c'est la suite des le best-of 90. Bon, tu commences à te calmer, là, s'il te plaît, merci. Ok. Ok. Bonne année, mon amour. Ouais, bonne année à tous, ok. Voilà, merci, mon amour. Ouais, ben, va te faire foutre. Bonne année, bonne santé. Je pose la question, on se calme. La panthère est-elle un animal domestique, Jean-Luc? Non, pas du tout. C'est Jean-Luc. Ouais, oh, vous vous calmez là, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, vous allez gerber vite fait, moi. Ouais. J'ai pas envie de vomir, moi, ça va. Hein. Ouais, ben, tout à l'heure, tu vas aller vomir au standard, tu vas voir. Oh, non. Tu entends, ouais, s'il te plaît. Hein? Tu me l'aurais là. Je disais que c'était pas du tout un animal domestique. Mais pourquoi? Parce que c'est dangereux, d'une part. Ouais. Et puis, c'est un petit peu gros pour un appart. D'accord. Voilà. Personne n'a un taille-crayon, pardon. Attends, qui c'est qui demande un taille-crayon? Non, mais laisse-le, c'est un comique. Hein. Mon amour, c'est Caroline. Ouais, bah, je te pose la question maintenant. Bah, évidemment que non. Ok. Bah, pourquoi alors pour toi? Bah, parce que dans un appartement, ça peut jamais tenir. C'est rare, quoi. Attends, si t'es pas content, mon pote, c'est le même prix. Ça dépend, si t'as 20 mètres carrés, ça peut tenir. D'accord, c'est ça. Sophie? Bah, ouais, moi, j'en ai une chez moi. Hein? Chez moi, j'ai un grand jardin et tout, dans le jardin. Elle dort dans mon lit. Ouais, non, mais attends, t'as quand même une autorisation, j'espère. Elle s'appelle une peluche, bah, quand même, ouais. Elle paraît que Christine, c'était une tigresse, en plus. Tu sais qui dit ça? Bon, hey. Bon, ah, allez, hop. Ah. Et Caroline, c'était une cochonne? Qu'est-ce que je fais? Tu essayes de savoir qui c'est qui s'amuse à déconner comme ça, parce que ça va vite gerber maintenant, hein. J'ai pas envie de vomir. Les jumeaux, donc vous voulez participer à ça, donc oui. Pour vous. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Moi je dis que bon, les panthères domestiques, effectivement, ça me paraît un peu probable. Mm-hmm. Par contre, j'ai travaillé dans aux eaux de Thoiry, et effectivement, il y a des gens qui achètent des animaux, effectivement, des tigres, des lions, des panthères, mm-hmm. Ils les ont chez eux, et ensuite ils les abandonnent l'été sur la route. Non, mais attends. C'est quoi ce bordel? Non, attends. Et ça, c'est pas bien, non, mais je veux dire que c'est pas bien. Non, là, c'est un truc... Ouais, mais d'accord, mais... Moi, c'est un truc dont je te répondrai pas, de toute façon. Bon, bah, c'est clair et net. Oh, pour l'instant, vous me laissez finir ce qu'il disait. Et effectivement, je pense que c'est une question importante que tu as bien fait d'aborder. Mm-hmm. Moi, je fais partie du JJGPC. Mais on s'en fout de ce que tu fais partie, tu réponds à la question, c'est tout. Oh. Oui. Bon, tu la prends, là, tu lui demandes qui se rende. Magali. Oh là. Ils ont teasé, eux, hein. Magali. Magali. Oui, j'écoute. Donc, pour toi? Ben, pour moi, aux yeux de tout le monde, non, mais pour moi, oui, parce que je suis très féline et j'adore les chats. Mmh. Et les chats. Ben d'accord. Ouais, mais je parle de la panthère, je parle pas spécialement des chats. Ça fait partie. J'aime bien les chats. Et moi, j'aime tout ce qui fait partie. La chatte. Ouais, Axel et puis Jean-Luc, là, vous avez commencé par vous calmer. Jean-Luc, tu te calmes un petit peu. Gérard, le retour des Siamois. Hein. Ils sont calmés. Ben bon, alors ils vont attendre leur tour. Pour la suite. C'est un peu dommage. Ouais, bon, alors Axel. C'est dommage que j'allais dire. Moi, je veux dire que, de manière. Axel, tu t'amuses pas à m'imiter parce que tout à l'heure, tu vas être cassé. Non, je sens que si tu me laisses répondre, je te prie. Ouais, ben tu. Bon, Axel, tu dégages. Mais s'il te plaît, je peux répondre. Alors tu te dépêches, la panthère est-elle un animal domestique? Non, la panthère n'est pas un animal domestique, parce que moi, bon, j'ai une panthère, mais elle en plus. Non, mais ça... Je parle d'une panthère vivante. Est-ce que Gigi peut répondre? Attends, Gigi, t'attends. Moi, j'ai pas de panthère vivante, non. Est-ce que c'est mais je pense que ça peut pas être un animal domestique, c'est trop féroce. Est-ce que c'est biodégradable? D'accord. Gigi, alors? Alors oui, effectivement, alors tiens, est-ce que c'est biodégradable? La crotte de panthère est biodégradable. Ce qui n'est pas le cas de la panthère noire. Ou la crotte... Tu réponds seulement à ce que c'est un animal domestique, oui ou non, tu veux participer au débat, tu réponds à la question, c'est alors, tout. Est-ce que c'est un animal... Je te demande pas si leur merde elle est verte ou jaune ou blanche. Ok. Il a bien raison. Est-ce que la panthère... Bravo. Est-ce que la panthère est un animal dominique? Domestique, abruti. Est-ce que la panthère est un animal fantastique? Putain, mais il est... Allez hop, dégage. Par contre, une panthère, c'est très dangereux parce qu'il faut pas, parce que quand ça grandit, c'est bien joli quand c'est petit, mais quand ça grandit, ça peut être très dangereux. Ah, enfin, ça y est. Donc faut pas les garder comme animal domestique. Je ne pense pas que la panthère doit être un animal domestique. Ah, enfin, t'as quand même compris le thème de ma question. Oui, mais personne n'a répondu correctement. Ah, bah, dis donc. C'est comme le zizi Gérard. Et toi, Gérard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, personnellement, je préfère les... Le zizi Gérard, Taisez-vous, n'entends pas le connard. Mec, allez, on se connerie, là, Gérard. Qui c'est qui a dit connard? Oh, les mecs, là. C'est pas moi. Non, non, c'est jamais personne, c'est un mec. Non, c'est pas moi, je te dis, sincèrement. Je crois que c'est Sylvie. Ouais, je crois aussi. Gérard, est-ce que tu penses que la panthère est un animal domestique? Personnellement, moi, j'ai pas d'animaux, donc je peux pas te dire, mais je sais que c'est pas préférable. Ouais, la colombe, c'est pas un animal domestique, une colombe. Non, mais attends, ça c'est. Gérard, ah bon. est-ce que c'est vrai que t'as arrêtez, laissez parler le connard. Non, mais Gérard. Alors, Axel, tu dégages. Eh, c'est pas moi. Alors, où Jean-Luc, tu dégages. J'ai rien dit, Gérard. C'est pas moi, c'est pas Jean-Luc. C'est moi. Alors, tu les dégages. Ah non, c'est pas moi. Tu dégages les siamois. Non, c'est pas moi. Tu dégages les siamois. Ce n'est pas moi. Gérard, tu les vires, tu reprends quelqu'un d'autre. On continue le débat. Gérard, c'est Magali. Oui. Et t'as pas d'animaux? Non. Et t'en as jamais eu? Je sais, j'ai eu un chat, mais à chaque fois que je vais téléphoner, il se tire. Et puis il revient pas. Mais t'as déjà eu une chienne? Ouais. Gérard, c'est un cadeau. T'as déjà eu Christine, la chienne? Non, mais attends, Magali. Gérard, c'est merci! Mais t'as jamais eu de chat chez toi? Bah non! Des chats, t'en as jamais eu? Si, oui, Christine! Oh! Il y a eu des nanas des fois, les chats! Mais qu'est-ce qu'il aime bien? Des chats! Oh! C'est Caroline! Oh, je sens! Gérard, tu sais imiter le. Tu donnes ton nom! C'est Gigi! Est-ce que tu peux imiter la panthère? Je t'avais demandé de. Ça y est, t'as fini tes conneries? Ah, j'ai rien dit, moi, c'est les autres qui imitent. Est-ce que tu sais imiter la panthère? C'est déjà dit que je m'en foutais, d'accord? Mais ok, je te répondrai pas de manière. Non, alors, ok. Il fait un débat, mais il se fout de tout, lui, alors. Tu te croches? J'ai répondu à la question, j'aime pas la panthère dans les appartements, d'accord? C'est tout. Je peux te dire un truc, Gérard? Oui. Attends, mais ne pas aimer les panthères, attends. Ça n'a aucun rapport avec la question, Gérard, ta réponse. On te demande si la panthère est un animal domestique, on te demande pas s'il faut en avoir dans un appartement ou pas. C'est trop sauvage, donc c'est pas un animal domestique pour aller en appartement. Ah, ça, c'est tout. Voilà. Personne n'a répondu correctement, alors personne n'a eu un point là. Mais si, tout le monde a répondu, c'est toi qui n'as pas compris la question. Crie pas, monsieur Gérard. Oh merde. Gérard, il a vraiment une haleine de tortue. Gérard, c'est Axel, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, moi, je voulais te demander. Moi, tu travailles. Non, parce que en fait, si la panthère est interdite en appartement, c'est peut-être parce qu'elle est allergique à la moquette. Mais je vois pas le rapport avec. Parce que dans les appartements, tu peux avoir du parquet, hein. Ouais. Ah ouais. Voilà, exactement. Ouais, elle est allergique à la cire. Ou alors tu peux avoir des trous de taupe comme chez Gérard. Tu sais qui vient de dire ça? Ah bah c'est pas moi. Hein. Oh non, mais attendez, là, vous commencez à me plaire, les mecs. Ouais, ah bah tant mieux si on te plaît alors. Ça commence à bien faire vos conneries quand vous dites pas vos noms, d'accord? Question suivante. Oh, rigole là, les mecs, c'est moi qui commande, je laisserai parler les nanas si j'en ai envie. Caroline. Ouais. Je t'aime. Oh là, c'est bien. Bon, suivante. Est-ce que tu as des feuilles? Question suivante. Gérard. Quoi? Oh là là. Question suivante. On rigole, les mouettes. Qu'est-ce qu'elle va faire, les mouettes? Tu restes poli, toi. Ouais, mais bon, vas-y, pose ta question, ton débat, là, vas-y. Attends, c'est pas toi qui commande, si elles ont quelque chose à dire, c'est ça, et ta culotte dans ta main dans la culotte d'un zouave. Si t'es pas content, tu raccroches, d'accord? Eh, bah, content, mais je raccroche mon bel père de chien. Tu dégages. Allez, stop la question, Gérard. Moi, je vais le dire, Mimosa. Alors, question suivante. Que pensez-vous au sujet des animaux domestiques? Oh là là, c'est la même question que la première. Bah, ouais, bonne question abstraite. Moi, j'aimerais bien avoir un Gérard chez moi. Non, mais qu'est-ce que ça doit être chiant. Est-ce qu'il existe des élevages de coton-tige? Bon, alors dehors, toi. Vas-y, pour ce gars. C'est qui? Ben, attends, je vais pas donner leur nom, tu les prends tous les trois. Hein, et tu leur. C'est bien, parce que moi, Gigi, j'ai rien dit, mais je me fais virer. C'est comme par hasard. C'est-à-dire que les nanas, elles restent tout seules, les mecs, ils sont restés tout seuls. Ouais, moi, c'est Luc, et j'ai rien dit. Bizarre, tu me vires les nanas aussi, hein, parce que toujours les mêmes mecs qui s'en vont. Non, attends, et si t'es pas content dans ce cas-là, celui qui dit des conneries comme ça, donne son nom et il dégage tout de suite. Ah ouais, mais il veut pas se dénoncer, on y est pour rien, on va pas payer à sa place. Ah bah alors, dans ce cas, vous allez voir, vous vous émerdez. Oh, aventurier de pite. Gérard, c'est simple, si c'est pas Gigi et si c'est pas Jean-Luc, c'est l'autre. Ouais, comme par hasard, il est plus là, lui, si. Bah si. Et il dit rien. Il dit rien parce qu'il sait. Axel, ça Axel, ah ouais. Tu n'as jamais parlé, donc. Voilà. Démerde-toi. Donc il dégage. Alors Axel, tu te. Mais j'ai rien dit. Voilà, tu travailles sur la question maintenant. Alors oui, repose la question. Non, non, non, c'est déjà posé. Je pense que vous utilisez des animaux domestiques. Gigi peut répondre. Vas-y. Non, mais c'est Axel qui répond. Oh là là, Gérard, mène ton débat, c'est à qui de répondre. Axel, vas-y, mais tu travailles. Voilà, alors c'était à mon tour, comme par hasard. Non, mais voilà, c'est Axel. Tu travailles, Axel. Je suis réveillé, mais alors, en fait, le sujet domestique, c'est un sujet qui peut être abstrait, parce qu'en fait, on peut pas répondre à une question sur un sujet, vu que le sujet est abstrait envers la question. Oh là là. Bon, ouais. Non, quand tu comprendras. Quand tu comprendras le style des débats, tu travailleras, mon pote. Hein. Voilà. Magali. Domestique. Magali. À Gigi, peut-être, non ? Magali. Moi, je pense que tout animal est domestique à partir du moment où on a le cœur de l'accueillir chez soi. Oh là là, prout. C'est du moment qu'il est tenu en laisse. Cacaboudien. Eh oh, Axel, tu t'écrases parce que tout à l'heure tu as saqué. Ouais, j'ai rien dit. C'est pas Axel, hein ? Alors, Sati, mais putain, essaye de reconnaître les voix, toi. Bon, on broutille là. Bon. Tu n'es pas capable de t'occuper du standard. Je peux répondre. C'est encore pire que Manu. Ouais. Alors ? Je peux répondre ? Ouais. Ouais. Alors, Gigi. Vas-y. Alors, est-ce que l'animal domestique. Est-ce qu'on doit. Pour ou contre l'animal domestique, c'est ça ? Que pensez-vous des animaux domestiques ? Bon, alors, d'abord. Au sujet des animaux domestiques. Alors, moi, je pense que c'est utile pour la société. Déjà, bon, bah, ça permet déjà d'avoir pour les personnes âgées d'avoir des gens. Et ce qui est d'autant bien, c'est que grâce aux animaux, on ne s'en rend pas compte, mais grâce aux excréments, on a réussi quand même à créer des travails. J'aimerais parler un petit peu plus en profondeur. On va pas coucher. Grâce aux crottes de chien, on a fait des motocrottes, ce qui a quand même donné du boulot à certaines personnes. Mmh. Moi, je sais que j'aime bien me balader un petit peu partout. J'aime bien les crottes. Non, j'aime bien me balader et j'aime voir. J'aime bien voir la merde. Non, j'aime bien voir les. Jean-Luc, tu te calmes, s'il te plaît. Bonjour, Jean-Luc. Non, c'est bizarre, c'est ni Jean-Luc, c'est ni Axel, alors c'est qui ? Si Gérard pouvait arrêter de me couper la parole toutes les 5 secondes. Non, mais attends, mais moi je voudrais bien que celui que quand tu parles, qu'il se calme aussi derrière. Bon, d'accord, voilà. Gérard, je te l'avoue, c'est avec. Merci. Gérard, Axel, tu dégages, bonne nuit. Mais c'est bon, j'ai rien dit. Bonne nuit, Axel. La motocrotte. Voilà, ouais, continue sur ça, parce qu'après on va demander à Sophie, parce que. Non, mais Sophie, je vais prendre son temps de parole pour moi. Alors, moi, la motocrotte, donc ça vous permet de créer du travail, ce qui fait que l'animal domestique est utile. Alors, la société se dit oui, mais bon, faut-il ou ne faut-il pas, doit-on garder ces animaux domestiques ? La possibilité des gens, c'est que, bien entendu, il y a une chance pour certains. Certaines personnes ne peuvent pas non plus s'acheter. Il faut voir qu'un animal domestique, des fois, ça coûte 10 000 francs. Je ne sais pas si Gérard est au courant qu'il y a des chiens. Ouais, non, mais c'est bon, ouais, mais. Ouais, non, c'est mais ça veut dire que ça peut. Non, mais j'abrège. Ça peut être utile aux gens, mais malheureusement, ça coûte très très cher. D'accord. Autant que les vacances de ski. Parce que, par exemple, moi, j'ai voulu aller à Courchevel cet été. Non, mais c'est pas le thème du débat, donc c'est bien. Alors, t'as répondu à un truc, alors maintenant, Sophie. 10 personnes. Ah ben, je sais pas si les auditeurs s'en rendent compte, ça va coûter 15 000 francs. Eh ben, ça me fait une belle jambe que ça t'aille coûter 15 000 balles. Maintenant, c'est à Sophie de parler maintenant, tu te tais. Parce que t'as la bouffe à payer. Tu le coupes là, tu me le calmes. Tu lui dis qu'il se t'aperme maintenant. Gigi ? Gigi, là. Allez hop, Sophie. Oui. Ouais, donc, la différence d'âge. Non. Que pensez-vous des animaux ? Quel idiote, hein ? Au sujet des animaux domestiques. Oh, Sophie, s'il te plaît, tu travailles ? J'aurais peut-être mieux fait d'aller à Val d'Isère, parce que. Ça n'a aucun sens, hein. Courchevel, quand même, ça coûte cher. Bon, toi, je t'ai demandé de te la fermer. Ouais, mais il a raison, Courchevel. Courchevel, c'est cher. Ouais, c'est cher, bon, ça craint. Ouais, vous me faites voir, allez hop, on va passer sur les vacances, comme ça va aller plus vite. Ouais. Mais là, vous allez pas mettre 3 heures à répondre, parce que je vais vous couper vite fait, moi. Non. Gigi, déjà, toi le premier, tu vas pas mettre 3 heures à répondre. D'accord. Ça, super. Qui c'est qu'on est à la place d'Axel ? Couscous. D'accord. Donc, c'est pas mal. La question. Ouais, ben, la question, oui, ben, tu vas attendre, s'il te plaît. Ouais, ben, on est pressé. Non, mais ben, peut-être toi, mais pas moi. Ouais, mais nous aussi. Moi, j'ai jusqu'à 4h du matin. Ben, moi aussi, mais je vais jusqu'à 4h, mais quand même. Alors, pourquoi les Belges ont-ils plus de vacances que nous ? Eh ben, Gigi va répondre. Non, Gigi, tu vas la fermer. Parce que les animaux de Gigi, tu le dégages, et c'est tout. Couscous, est-ce que je peux répondre ? Vas-y. Bon, alors moi, je dis que les Belges... Gigi, après, hein. Ils ont plus de vacances. Non, Gigi, tu dégages. Je peux t'entendre. Allô ? Oui, je t'écoute. Oui, bon, les Belges, ils ont plus de vacances que nous parce qu'ils aiment beaucoup les fêtes. Et moi, je voulais dire que moi, c'était dommage qu'ils aient plus de vacances que nous. Mmh. Parce que, de toute manière, c'est dommage, hein. Quel est le rapport avec... Quel est le rapport avec le débat des vacances, les fraises? Tu peux me le dire? Les frites! Les frites, abruti, j'ai pas dit les fraises. Mais attends, abruti, c'est pas même. Les frites, c'est belge, ils mangent des frites. Bah voilà! Non, Magali! Oui? Et alors à toi? Gérard, tu peux... Oh là là, Magali, Magali, plus fort, on t'entend pas, Magali, plus fort! Bah si vous vous taisiez un petit peu, vous m'entendrez. Non, on t'entend pas. Oh, allez, accouche la vieille. Tu peux répéter la question? Alors, pourquoi les Belges ont-ils plus de vacances que nous? Voilà. Parce qu'ils vont à l'école de 6h du matin à 22h. Non mais attends. Mais hey, c'est les vacances, hein, ma petite, alors tu te réveilles. Alors, mais écoute, puisqu'ils vont plus longtemps à l'école, ils auront droit à plus de vacances. Elle est vraiment conne. Non mais attends, t'as fumé la cigare à moustache avant de couper la panne? T'as fumé le cigare à moustache, hein, à mon avis, hein. Ouais, non, tu me déçois. Ouais, ben, si je te déçois, ben, tu raccroches. Mais dis-moi, pour une boîte de Whiskas, tu baisses le slip? Non, mais attends, et toi, pour un cigare à moustache, tu demandes combien? Bon, moi, c'est gratuit. Ah ouais, d'accord. Sophie? Ouais, Gérard, elles font bien en Belgique, les chiottes, ou pas? Pourquoi? Ben, je te demande, je crois que vous avez été à l'écho du lac, alors. Non, attends, l'écho du lac, c'est en Normandie. Ouais, pour moi, Gérard, elles font bien les chiottes, ou pas? Couscous, t'évites de prendre ma voix, s'il te plaît, merci. Pas ta voix, je parle comme ça, j'ai pas ta voix de Gérard, moi. Non, mais tu te calmes, s'il te plaît. Mais non, mais Gigi, moi, tu disais que t'es en Normandie. Oh là là, Gigi va intervenir, là. Non, Gigi, tu dégages, je veux plus t'entendre. Non, tu rappelles, je ne veux plus t'entendre. Non, mais attends, non. Tu le vires. Gigi, tu le vires, je ne veux plus l'entendre. Gigi, fais-moi du couscous. Allez, ça y est. Alors, Sophie, pour toi? Bon, je t'ai posé une question. Ouais. Comment sont les chiottes en Belgique? Pourquoi? Parce que tu as été, donc je te le demande. Bah, ils sont comme celles en France, c'est tout. De la loco. Et il y a plus de monde ou pas dedans? Il n'y a pas de chiottes d'eau. Je dirais. Hey, qui c'est qui parle là derrière? Non, mais Jean-Luc, ça commence à bien faire là, s'il te plaît. Hein. Gérard, bordel, c'est pas moi. Non, attends, il n'y a plus que toi et Couscous, donc ça peut être que toi qui dis des conneries. Hein. Ça peut être Couscous aussi. Et moi, j'ai rien dit. Hein. Bon, l'arrivée de Jojo en fait, le siamois de Gigi. Non. Mais si, parce que Gigi est parti aux toilettes et Jojo est resté. Non, tu, je t'ai dit que tu me les vires. Ça leur apprendra de me traiter de gros con, tu les sacs. Arrête ça, c'est tout. Attention, moi c'est Jojo, je vais pas parler encore. Bonsoir Jojo. Bonsoir. Parce que tout à l'heure, moi ça va aller vite, le débat, ça va être fini. Pas dit ça caca, c'est Jojo qui prend l'antenne. Non, tu réponds. Gérard. Et tu fais pas comme l'eau, ton frère. Gérard. Ah bah oui, j'attends. Non, bah alors tu réponds à la question. Alors, oui, mais je l'aurais bien. Ah non, mais tu l'as entendu très bien. Malheureusement, non, mais vas-y, repose là, je vais répondre sérieusement, vas-y. Là, les oreilles, hein, ça non, commence à... Non, mais j'étais pas là, t'étais pas là, t'étais où, alors? Mon cabinet. Oh là. Bon, ouais. Gérard, putain, quand je te demande de virer quelqu'un, tu les vires. Ok. Tu la mets en sourdine, 5 minutes. Bon, alors Jojo, règle-toi parce que ça commence à être lourd. Je t'écoute. Alors pourquoi les Belges ont plus de vacances? Ont-ils plus de vacances que nous? Parce que sur leur calendrier, en fin de compte, ils ont le droit à plus de vacances que nous. Je veux dire, ta question est con, donc. Bon, bah alors, si elle est con, ma question, pourquoi tu réponds, abruti? Parce que c'est normal, tu demandes pourquoi ils ont plus de vacances. Parce qu'effectivement, ils ont plus de vacances scolaires que nous. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde de plus que ça? Bah attends, que ça soit en Belgique ou en France, à mon avis, ils ont le même temps d'école. Hein. Alors, je suis désolé. Ne demande pas pourquoi. Alors, c'est débile de demander pourquoi. Pour qu'après, on dise, de toute façon, c'est pareil. Alors, moi, c'est pareil. Vacances que nous. Bah voilà, bah c'est une question à la con, réponse à la con. Eh bah voilà, bah c'est bien. Non mais je suis d'accord avec toi. Alors c'est tout. Caroline. Bon, moi j'adore ce que tu fais. Caroline. De toute façon, en partant de là, on est d'accord. Bon, Jojo, tu t'écrases maintenant, ça y est, t'as répondu, je demande à Caroline. Caroline, elle a pas vraiment de réponse, parce que c'est vrai que si le roi belge, Jojo, tu la fermes, s'il te plaît. Non, mais je suis en train de te dire que je suis d'accord avec toi et avec elle, c'est des questions à la con, donc on peut difficilement y répondre correctement. J'ai en passe pour des cons avec des questions à la con. Ouais, voilà. Si c'est des questions à la con, le prochain coup, tu t'écrases. On peut pas répondre à une question comme ça, tout le monde va dire pareil, on va dire bah oui mais ils ont plus de vacances, tu vas dire bah non c'est pareil, alors donc c'est pareil, donc passons. Bon, tu t'écrases et c'est tout. Tu veux pas passer à une autre question là? Non, pour l'instant je demande, il reste encore Caroline et Jean-Luc à répondre. Bah répondez pareil, vous dites que c'est pareil. Bon Jojo, tu dégages, à ce coup là je vais tout faire. Je pense. Bonne nuit. Que s'ils ont plus de vacances, c'est grâce à leur roi et que maintenant, Il faudrait que ce soit la même chose en France. D'accord. Hey Jean-Luc. Jean-Luc. Ouais. Toi, tu travailles. Alors moi, je trouve que c'est parce qu'ils ont plus de vacances sur le calendrier, en fait. Hein. Je pense qu'il avait raison, Jojo. C'est ce que j'ai dit. Hein. Ouais. Moi, non, mais attends, que... je t'ai dit de dégager, Jojo. Max, oh merde, tu viens réveiller plus tard ou quoi? Putain, je commence à le réveiller, votre gueule. C'est bon, je le vire. Putain, mais oh. Comment ça me fait chier, toi, hein? Toi, Emmanu, vous êtes vraiment des standardistes de cons, hein? C'est pas pour ça que vous faites le standard, hein? C'est vraiment con, Gérard! Putain! Allez, assure le débat, toi! Bon, Jean-Luc! Toujours là! Ouais, c'est du jeu! Non! Il dégage ou quoi? Il dégage! Alors, on imagine tout à fait la scène dans le studio, là! Voilà, on peut passer les questions suivantes! Bon, allez hop! Gérard! Quoi? C'est quoi la question suivante? Alors, pensez-vous que la SNCF devrait améliorer ses lignes touristiques de manière à permettre aux vacanciers de gagner leur lieu de vacances le plus rapidement et le moins cher que par le passé? Gérard, je vais te répondre. Oh, les questions, la gomme. Gérard! Bon, je jure! Gérard! Ouais, mais je peux rien faire, il passe dessus tout le monde. Tu te démerdes. Il a une ligne spéciale. Non, tu te démerdes. Il a pris l'abonnement spécial Fun Radio. Tu te démerdes. Ok, je vais me démerder, vas-y, continue. Oh, mais merde, tu fais exprès depuis tout à l'heure, ce con. Gérard, t'es sur moi, c'est merde. Tout. C'est quoi, Jojo, il a une ligne spéciale. Ouais, mais même. T'es sur moi, c'est tout. Je peux rien faire, Max. Oh non, mais moi, dans ce cas-là, tu vires tout le monde, tu reprends d'autres personnes. Gérard. Ça va aller vite, moi. Je réponds à la question. Alors, couscous. C'est Jean-Luc. Ouais. Ah, j'ai craché sur mon téléphone. Ouais, c'est un petit peu encore bête ce que tu poses parce que bien sûr que tout le monde aimerait payer ses billets moins chers et aller plus vite. Non mais selon Gérard, je prends le train, moi. Hey, Jean-Luc. Toi, t'aimes cacher de la thune, mais. Bah attends, mais est-ce qu'il devrait améliorer? Non, c'est sûr qu'il devrait améliorer. Putain, mais t'es con ou quoi? Bon, les dégâts, ça t'apprendra d'être poli. Moi, je vais répondre. Allez hop, Jean-Luc, ça t'apprendra. Hé, hey, tu dégages Jean-Luc là. Ça t'apprendra d'être poli. Allô, Gérard. Ouais, c'est couscous. Toi, si j'en ai envie, si je te dis de dégager, tu vas dégager. Allô, c'est couscous. Ouais, couscous. Donc moi, je dis qu'il devrait améliorer les lignes. Parce que moi, je dis qu'à SNCF, oui, c'est possible. D'accord. Ils peuvent le faire. Ok. Magali. Moi, je voudrais savoir aussi ils ont l'intention de mettre une ligne SNCF à la place du pont de l'Alma. Parce que... Oh là là. Non, Magali, bonne nuit. Allez, bonne nuit, Magali. Bonne nuit. Bonne nuit, Magali. Sophie. Ouais. Moi, je trouve ta question complètement utile. Alors, pourquoi t'as appelé pour participer au débat? On pensait pas tomber sur ces questions-là. Ah, attends, c'est un best-of, je suis désolé. On a choisi ces questions-là et c'est tout. C'est un best-of de questions débiles, alors. Si t'es pas content, tu raccroches ton téléphone. Ouais, je suis très content, hein. Ok. Je suis très content, moi. Excuse-moi, à la place de Jean-Luc, on accueille Billy. Bonsoir, Billy. Salut tout le monde. Bonsoir, Billy. Bisous à Kik. Salut, Gérard. Salut, Billy. Salut, Billy. Que tu vas bien, que tu vas passer de bonnes vacances. Ouais, bah... Mais c'est Billy Jesse Garrod. Attends, oh, mais qui c'est celui-là, là Gérard, c'est qui c'est que... Attends. Qui c'est celui-là qui est en train de claquer? Non, tu le dégages, là. Le fou. Non, tu le vire, Jojo. Ah, il est encore là, Jojo? Ouais, il est encore là, alors là, tu le sacs. Il passe tout seul. Ah merde, excuse-moi. Non, là, tu le sacs carrément, hein. Bah attends, Jojo, il peut parler quand même. Moi, je t'ai demandé de dégager, tu dégages. Bah attends, merde. Tu dégages. Tu dégages. Soyons copains. Tu dégages. Non, mais je dégage après. Non, tu dégages maintenant. Oh, t'es vraiment casse-couille, hein. Eh ben si, dans ce cas-là, tu raccroches, tu dégages. Non, mais dégage pas, je suis très bien là. Eh ben non, tu vas dégager. Mais j'ai rien dit. Tu dégages, je veux pas le savoir, je t'ai demandé de dégager, tu dégages. Et toi, le standard, tu le dégages. Le dégage, c'est bon, il est parti. Ouais, ben il va revenir comme par hasard. Question suivante. Bon, alors, Billy. Ouais. Donc pour toi, est-ce que la SNCF devrait améliorer leur ligne touristique de manière à permettre aux vacanciers de gagner leur lieu de vacances plus rapidement et moins cher que par le passé? Bon, Zozo, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule maintenant. Tu vas fermer ta gueule et tu dégages. Ouais. Un peu, Gérard. Gérard, je voudrais répondre à ta question. Alors, Billy. Ouais, alors moi, je pense que... alors, en fait, les gens... Attends, Billy, je te jure que s'il revient, j'arrête. Tu vas te démerder. Okay. Alors, Billy, vas-y. Ouais, alors moi, je pense que les tarifs devraient être plus chers. Les trajets beaucoup plus longs, tu sais, une dizaine d'heures de plus. Et puis que ça fasse bien chier tout le monde, comme ça tout le monde serait content. Ouais, non mais Non mais pas, non mais c'est pas pour faire chier tout le monde que je. Que bah ouais, ce... mais là tu fais chier tout le monde là. Non mais attends, qui c'est qui dit ça? C'est Magali. Hey Magali, tu dégages. Allez, elle dégage. Allez, bonne nuit Magali. Hey, toi. Non, c'est Caroline. Allez, bonne nuit Magali. Allez, bonne nuit, c'est Caroline. Bonne nuit, bonne nuit. Caroline, ouais, tu le disais. Ouais, moi j'ai pris un train il y a deux jours, il avait une heure et demie de retard à Montparnasse. Voilà, il faut qu'il arrête. Celui qui respire comme un cochon, là, il dégage. Je suis sûr que c'est Jojo. Attends, Jojo, il est encore là. Non, il est pas là, Jojo. Non, il est pas là. Il est parti, Jojo. Donc, Caroline. C'est peut-être Gigi, mais... Ouais, ils ont des gros. Non, mais tu les tires tous les deux, les jumeaux. Mais je peux pas, ils sont si à moi, comment tu fais? Je veux pas savoir, tu les retires de l'antenne. Et tu te magnes. Parce que je continuerai pas les débats. Ok. Mais il va se passer, lui. Ah ouais, c'est... Ouais, bah tu les ressacs vite fait, parce que ça tout à l'heure, moi c'est moi qui vais les saquer. Ah, donc Caroline. Attends, j'ai une surprise pour toi, on a que Mimosa, elle est là. Mais écoute. Oui. Donc voilà, donc les trains, ils sont toujours en retard. Hé, t'es bouché ou t'es quoi, toi? T'es bouché ou t'es charcutier? Voilà. Alors, qui c'est qu'on accueille à la place de Magali? Mimosa. Le muguet. Bonsoir. Oh, bravo. Oh. Donc Caroline, tu disais... Non, la salope. Qui c'est qui dit ça? Jojo. Alors Jojo, bonne nuit. Alors là, ce coup-là. Allez, Jojo. Tu dégages, Gérard. Attends, moi, j'admets pas que... Bon, allez, Gérard, qu'est-ce que tu vas? Ok. Gérard, moi, j'admets. Non, c'est bon, Jojo, tu veux pas animer le débat, là? Voilà. Voilà, il est parti, ce coup-là, ça va plus vite. Donc, Caroline. Non, il les rappelle pas, hein? Mais non. Donc, Caroline. Oui. Mais donc, moi, je dis qu'il faudrait absolument que ça s'améliore. Mais pourquoi? Dans quelles circonstances? Bah, ils sont toujours en retard et... Non, mais sinon, des trains, il y en a assez, quoi. D'accord. Sophie? J'ai bien répondu. Quoi? Ouais, mais... Oh! Celui qui s'amuse entre couscous et Billy, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Ah, c'est pas moi. Ah, je calmez, maintenant. Faire des câlins. Bon, alors, Billy, tu dégages, bonne nuit. Bah, c'est pas moi! Non, c'est qui? Ah, attends, Gérard, j'ai un problème, j'ai le père des Siamois, Juju. Non, je veux pas que tu parler parce qu'il est pas content. Non, non, mais j'en ai rien à foutre, Juju. Oui, bonsoir. Alors que j'entends un truc là, c'est pas très sympathique quand vous parlez à mes enfants. Ouais, ben dans ce cas-là, ils ont qu'à être polis avec moi, ils sont plus polis avec eux. Alors dans ce cas-là, quand je dis que c'est terminé pour eux, ils insistent pas. T'entends, okay. Jojo, non, mais c'est bon, alors maintenant ça y est, terminé pour vous, ils restent chez vous. Ils vont dormir. Oui, c'est ça, oui. Ils vont dormir. Alors je vois pas Jojo, mais il va se calmer, il va s'excuser d'abord. Non, non, non, mais moi je veux pas savoir, maintenant je pose la... Il y a d'autres personnes. Ouais, qui... Je te dis, m'excuser. Auprès de tous ceux qui nous écoutent. Oui. Pour mon comportement. Voilà, c'est bien. Ouais, ça y est, ça y est. Jojo. Est-ce que je peux rester, mais je me calme. Bon, alors, c'est intéressant, parce que sinon, tu vas vite virer. Mais Gérard, c'est le dernier premier et dernier avertissement que t'as. Donc, merci pour mon fils. Eh, oh, pour l'instant, je viens de te demander quelque chose, ok? D'accord. Mais c'était mon père, là, qui voulait te remercier. Bon. Alors, Muguet. Oui. Donc, pourquoi? Oh! Putain, c'est pas vrai! Oh bah gère un peu, vas-y, assure. Moi, bon, question. Muguet. Moi, j'espère qu'ils vont faire aller très beaucoup plus vite, comme ça, le trajet de chez toi à chez moi sera beaucoup plus vite. Ah, c'est quelqu'un qui joue à la Game Boy. Non, non, mais... Oh, vous virez, vous virez Mario, là. Billy, dehors. Ah, Billy, il est dehors, déjà, je l'ai viré, donc... Alors, tu vires Jojo, parce que ça doit être lui qui joue à la Game Boy. À la quoi? À la Game Boy. Non, Jojo, il attend, là, hein. Mais, Gérard, Jojo, il attend gentiment. C'est qui, là, qui est encore derrière? Eh, Gérard. C'est qui? C'est Billy. Non, mais on t'a dit... Non, mais moi, j'ai rien dit, Gérard. Ça commence à gonfler là. Hein. Mais j'ai rien dit, Gérard, moi. Bah, il faut mettre de la crème, hein. Ouais, ouais, bah. Tout à l'heure, tu as dégagé pour de bon, toi, ça va te faire tout drôle, hein. Bah, non, mais ça gonfle, alors je te dis de mettre de la crème. Ouais, hein. Donc, Gérard, moi, je t'apprécie énormément et je voulais te dire quelque chose. Je voulais te savoir si tu voulais bien que je te récite un poème, ça fait un an que je l'ai préparé. Bon, alors, Billy, pour l'instant, tu vas la fermer. Non, mais ça me tient Billy, bien, moi, tu vas la fermer. Bon, tu poses une question, connard. Bon, alors, Billy, tu dégages. C'est pas moi, Gérard, qui dit ça. Oh, Billy, pas cool, Billy. Voilà. Jojo, tu dégages. Je n'ai pas parlé, Jojo. Jojo, tu dégages. Mais je n'ai pas parlé, putain. Moi, je dis quoi, putain. Putain, mais t'es vraiment l'enculé quand tu t'y mets. Hein. Alors, Jojo, dégage. Dégage-moi, Jojo. Ce coup-là, c'est terminé pour de bon. Hop, terminé. Mais après, son père, il va m'engueuler. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. C'est qui s'amuse, là? C'est qui, là? Ah, c'était une nana, en plus. Tu vois. Eh, Gérard. Muguet. Gérard. Oh ! Ouais, ouais, c'est Muguet là. Non, c'est pas Muguet, Mimosa. Oui. Bon, on répond parce que. Mais moi, j'ai dit, j'espérais qu'ils allaient faire les trajets beaucoup plus rapides, comme ça je pourrais venir te voir plus vite. Non, mais attends, du côté de Vitrolles, de toute manière, ça met quoi ? Ça met. Bon, celui qui s'amuse avec la gratte tout à l'heure, il va dégager. Bon, et tu me prends Jojo Couscous et Billy de hors antenne parce que je commence à avoir plein de bol. Je commence à avoir plein de bol. Râle le bol. Tu commences à nous péter les glaouis, hein. Ouais, bah si t'es pas content, tu rentres. Ouais, j'ai rien dit. Bon, alors Mimosa. Juju. Oui. Bon, du côté de Vitrolles, en TGV, il faut 4 ou 5 heures. Ouais, mais dans ce cas-là, il y a des changements normalement. Parce que maintenant, le TGV, c'est. Ah, mais tu croiras tes renseignements de billets d'avion, de train plus tard, GG, hein, la question là. Non, mais attends, pour l'instant, tu permets, je réponds quand même. Ouais, mais enfin là, vous êtes en train de voir vos billets d'avion, de vacances, ça va. Moi aussi, je voudrais savoir s'il y a un train qui m'emmène jusqu'à Montpellier, demi-tarif. Bah, toi, c'est plein tarif, hein, pour les goyots, c'est plein tarif. Ouais, je suis goyot, moi, tu vas voir un peu. GG. Ouais. Je peux toujours pas te réciter mon poème. Non. Mais Gérard, tu me déçois là, il t'a fait un poème, tu m'aimes pas. Ouais, qui c'est qui dit ça? C'est Sophie, tu me déçois vraiment. Ouais, Gérard. Bah ouais, tu nous déçois. S'il te plaît, Gérard, laisse-moi. Vraiment, il t'a fait un poème. Allez, vas-y, fais le poème, vas-y. Tu l'as ce qui t'écoute. Alors, ça s'intitule Toi. Alors, avec toi, je voudrais fonder une famille. Avec toi, je voudrais te faire plein de câlins. Avec toi, je voudrais te faire beaucoup de bisous. Avec toi, je voudrais te faire des caresses avec une plume. Avec toi, je voudrais qu'on en fasse du camping. Ça y est, c'est bien, t'as terminé? Non, non. Avec toi, je voudrais te prendre la main sur... Oh, le poème de GG, c'est nul. Et avec toi, je voudrais te dire je t'aime sur un anus. Et voilà. Bravo, ouais, ouais, ouais, c'est un peu con. Bravo. Non, mais bravo, c'est un peu con. C'est un peu con. Non, il te rappelle rien, ce poème. Ouais, bah, quand tu copieras sur moi, ça ira bien. Ok, bon, bah, dans ces cas-là. Bon, tout le monde a répondu à la question, ouais, on va passer au débat. Au débat. Et à la fin du poème, il y avait, je voulais te dire mon numéro de tatou. Non, on va s'en passer. Ouais, bah, là, on va s'en passer parce que tu as dégagé maintenant. Ah, ok, bah, non, je dis pas. Non, Billy, et on accueille Melkara. À la place? À la place de personne. Melkara? Ouais. Ouais, Melkara, ouais. Tu dirais caramel, ça vaudrait peut-être, ça irait peut-être plus vite, hein. Salut, c'est Melkara! Ouais, d'accord, ok. Bah, bien, mon amour. Vous commencez... n'a pas répondu, hein, mais bon. De quoi? Jojo n'a pas répondu. À laquelle question? Celle d'avant et celle-là, là. Bah attends, pour l'instant, j'ai pas encore posé. Bah alors, tu réponds, tu te dépêches. Vas-y, la question c'est quoi? Non, mais attends. J'étais perturbé avec mon père. Non, bah alors c'est bon. Tu l'as écouté donc. Non, je l'ai pas, voilà, je vais y répondre. Je vais y répondre, les vacances scolaires chez les Belges. Non, c'était l'histoire d'améliorer les. Les transports. Les transports, hein. Ah, plus rapide et moins cher. Alors, il faut savoir quand même que pour les transports, déjà pour la, par exemple, pour les transports pour la Belgique, c'est, maintenant on met 1h20, parce qu'il y a le Thalys. 1h25. Ouais, Gérard l'a pris, je prends plus dernièrement. Ouais, TGV Thalys. Et bon, c'est plus emmerdant parce que quand tu veux faire des trucs dans les chiottes, c'est plus 1h20 au lieu de 2h. Bon, alors, Jojo, ce coup-là, tu dégages, ça t'apprendra d'être poli pour de bon. Merci, Jojo. Au revoir. Si tu veux venir, je dis à mon père. Ah bah, tu peux aller pleurer dans les jupons de ta mère. Elle signe de Suren, tu m'as pas dit bonsoir. Et le caramel. Moi, pour un sens, je te dirai bonsoir quand tu te réveilleras aussi, toi. D'accord, t'es gentil, tu m'as reconnu, mais tu me dis pas bonsoir. Bah alors, salut. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, pose-toi. Bonsoir, caramel. Ouais, salut à tous. Bon alors, bah ouais, merci. Bon alors, tu vas peut-être répondre à la question. Ouais, moi je veux bien, ouais, je vais répondre à ta question. Ouais, attends, je vais répondre à ta question. J'aime ça, mais pas le dimanche. D'accord. Quand tu auras compris le thème de la question, fallait-il améliorer la SNCF et qu'il soit moins cher Non, mais comme je dis, le dimanche est beaucoup moins cher quand t'as ta frais jeune. Non, mais attends. Jeune est beaucoup moins cher. Mais alors, dans ce cas. Je suis un peu ton actualité, là, dans le 98, d'accord? Non, mais les tarifs jaunes, caramel. Je te signale, les tarifs jaunes, ils existent depuis 97, entre parenthèses. Hein. Donc, il faudrait peut-être que tu te réveilles un petit peu. Avril ou mai? J'en sais rien, en tous les cas, mais je sais que c'est depuis 97. Hein. Ok. Ok. Et quel rapport avec la question? Ah bah quel rapport, c'est tout, t'avais qu'à écouter. Donc on va passer sur les phénomènes de mode. C'est bête parce qu'il y en a probablement beaucoup, mais je vais en trouver une autre. Bon, alors il nous reste Couscous, Mimosa, Sophie, Caroline, Billy et Caramel, bien sûr. Ah, il y a Caramel là, toujours présent. Ouais, Caramel. Gérard, c'est Caramel, je peux répondre? C'est Caramel, Gérard, c'est Caramel, je peux allô, répondre. Caramel, oh, allô, c'est Caramel. Allô, c'est Caramel. Gérard, c'est Caramel. Eh, Gérard, c'est Caramel. Gérard, c'est Caramel. Oh, c'est Caramel. Ma gueule! Je réponds, c'est Caramel. Gérard, je peux répondre. Mon coup de couteau. C'est Gérard. Allô, Gérard, c'est Caramel. Tu gères là ou pas le standard? C'est toi l'animateur. Bon, alors maintenant, vous vous écrasez, on passe à la mode. Gérard, c'est Caramel, j'ai pas répondu. Gérard, c'est Caramel. Ah bah non, Billy, Gérard, couscous dehors. Billy, Caramel, couscous dehors. Voilà. Alors, c'est vite viré, comme ça, tu vois là, ce qu'il a à te proposer d'autre, comme personne. Mais là, on n'a plus personne, j'ai viré que tous les caramels. Non, mais je veux pas le savoir. Donc, sur la mode. Bon, tu te fous de ma gueule, là? Mais quoi? Il n'y a plus personne, là. Hein. Bon, Max! Quoi? Max! Bon, bah, je les remets, ok. Non, mais sinon, c'est moi tout à l'heure, tu vas les calmer, tu vas voir, ça va aller vite fait avec moi. Hein. Voilà. Gérard, c'est Caramel, ouais, je peux répondre. Bon, Caroline, tu commences pas à t'amuser à passer à dire des conneries parce que tu as gerbé vite. Non, fait, mais j'appelle Caramel, je peux répondre, j'ai pas répondu à la question. Si, t'as répondu, tu m'as dit qu'ils avaient une heure et demie, je t'avais pris un train et qu'il avait une heure et demie de retard. Non, j'ai jamais dit ça. Non, comme par hasard. Tu dis jamais rien. Ouais, c'est... ouais, super. Je réponds, c'est Caramel. Ouais, non, mais là, c'est moi. Allô, c'est Caramel. Ouais. Ben, couscous. Caramel, est-ce que je peux répondre? Couscous, tu t'écrases. Je vais répondre sur la russe question, lui, mais moi, je peux... Caramel, tu t'écrases. Oui, bah attends, Gérard, tu commences pas à me dire des bonbons. Gérard, tu poses ta question. Bon, alors, maintenant, je demande à chaque auditeur ce qu'ils en pensent. Allez. Allez. Alors, pourquoi les filles se font de plus en plus de piercing couscous? Eh ben, pas... Mais non, t'es pas Caramel, toi, tu réponds. Prends ta gueule, toi, je t'ai pas appelé pot de chambre. C'est quoi la question, Gérard? Pourquoi? Pourquoi les filles... Attends, c'est pas toi qui commande, d'accord, Billy? Ah, pardon. Parce que tout à l'heure, tu as... C'est Caramel à la parraine, hein. Un camarade, pour l'instant, c'est pas toi qui... Non, Caramel, pas camarade. Billy, si t'es pas content, tout à l'heure, tu as gerbé. Donc, la question pour les filles, c'est-à-dire pour Mimosa, Sophie et Caroline, donc je vous répète la question, pourquoi les filles se font de plus en plus de piercing? Donc, couscous, pourquoi? Ben, parce qu'en fait... Oh là là, il faut pas répondre, t'es Caramel. T'es con. Billy, dors. Mais Gérard, c'est pas moi! Couscous! C'est Caramel! Couscous! Gérard, y a pas de couscous ici, c'est Caramel! Gérard, c'est Caramel, je peux répondre? Alors en fait, les filles elles aiment les piercings parce qu'elles aiment se faire percer le cul. D'accord, c'est la connerie, tu me dis. Elles ont plein de percées partout. C'est ça, Mimosa pour toi. Mimosa? Il n'y a pas Mimosa. Il n'y a pas de Mimosa ici, c'est Caramel. Alors, on a ta question, si tu as pas. Alors là, en fait, les filles elles aiment les piercings. Non, allez. Tu veux faire une pause, Gérard? Non, ouais, je fais une pause, moi, j'arrête là. Max n'est pas là, moi, je décide pas. Hein. Tu t'envoies de la musique. Non, mais attends, pose la question, ils vont réfléchir, et puis Max va peut-être arriver. Ah, bah, il est là. Hey, attends, il déconne à mort, lui, hein. Toi, hey. Bon, tu te tais, toi, pour l'instant, vous allez réfléchir pourquoi les prises se font de plus en plus de piercing. J'entends encore un mot. Si vous passez pas sous vos vrais noms, vous allez tous dégager. Je les ai mis en attente, là. Ah, donc on se fait une petite pause et on revient donc avec les questions et tout ça. Hein. Mmh. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme débat à aborder? Là on en est sur la mode, il nous reste les couples, les positions et puis là je vais voir après. D'accord, ok. Bah, vous ne bougez pas, c'est la suite du best-of de Gérard en direct de ses débats de 97. Si vous voulez toujours y intervenir, ça cartonne. Hein. Le standard est bloqué. 0-800-70-5000 et 0-800-3-0-8-5000. J'ai vu les chiffres. Ce soir, vous êtes plus de 18 millions. Bravo. Bravo Gérard. Hey, quand je te demande quelque chose, toi, tu vas te réveiller parce que ça va mal. 0,16% de nanas de plus. En plus. Oh là là. Mieux en mieux. Bon, allez. C'est quoi comme musique? C'est sûr qu'il y a peut-être une nana de 8 ans qui écouterait de plus que d'habitude. Voilà. C'est quoi comme disque? J'ai pas plus d'accord. Avec les petits proutes. Et voilà, donc c'est toujours la suite du best-of des débats de Gérard. Là, vous venez de côté de la salade bleu-rose, l'ultime passion à Tomil. Donc, tous ceux qui étaient tout à l'heure avec nous, c'est-à-dire Caroline, Sophie, couscous et puis Mimosa, ben vous essayez de nous rappeler. Mimosa, t'essayes de rappeler. Parce que sinon, Fildar va te rappeler parce que c'est lui qui a gerbé tout le monde. Donc Fildar, c'est. Il faut savoir aussi, Gérard. Je les avais pris. Je leur avais dit qu'ils se calment et qu'ils reprennent leur nom normal. Ils m'ont dit oui. Toi, tu m'as gerbé tout le monde. Tu m'as repris d'autres personnes. Oh là là là là. Alors tu vas te débrouiller. Tu vas me rappeler Mimosa et elle va venir. Non, mais les autres aussi. Hein, tu rappelles couscous, pas que Mimosa apparemment. Hein. Tu rappelles couscous. Si t'avais pas voir Mimosa, tant pis, mais au moins couscous ou tout ça, les mecs, quoi. Ok. Bon, donc on accueille Jérôme. Salut Gérard, tiens, ça pue ici. Attends, Jérôme, si ça te plaît pas, tu vas gerber déjà. Oh putain, ferme ta bouche, ça pue. Bon, alors Jérôme, je te préviens, tu fais encore un mot comme ça et tu dégages. Tu répondras même pas à la première question. Ok. Marie, bonsoir. Marine. Marine. C'est pas grave. Ah, excuse-moi Gérard, c'est moi qui m'a noté. Bah, d'accord. Marine, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Estelle. Bonne fête Gérard. Merci. De rien. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Gérard, ça sent bon. Merci. Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Maxime. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc vous avez entendu la question, non? Non, je répète. Alors pourquoi les filles se font de plus en plus de piercings? Alors Jérôme. Alors moi je pense que tu as raison, elles se font de plus en plus de piercings. Simplement moi j'aimerais savoir c'est pourquoi t'as failli te noyer à la locomotive parce que tu mets la tête dans la cuvette des chiottes pour mieux te faire enculer. Eh ben Jérôme, tu t'en vas, tu dégages, bonsoir. Ça y commence bien tu vois. Voilà, ça commence très vite. Marine. Alors je sais pas, peut-être parce que leur mec leur demande. Ouais mais non mais pourquoi de plus en plus, pourquoi il y a de plus en plus de filles que leur mec leur demande de faire un piercing au nombril parce qu'ils trouvent ça vachement excitant. Mm-hmm. Et puis voilà. D'accord. Estelle. Moi je veux savoir Gérard si tu en as un en ce moment en piercing. Non j'en ai pas. C'est vrai t'en fais un. Dommage. Très bien. Bah oui, mais ça coûte trop cher, hein. Non, ça coûte pas cher, ça coûte quoi? 60 balles. Ouais, 60 balles, et puis après t'as... Si tu veux, je t'en fais un avec une aiguille, y'a pas de problème. Non, merci. Ça fait pas mal. Hein. Non, ouais, mais... voilà. On t'en fait un dans le nez avec un anneau. Ouais, c'est ça. Sylvain? Ouais, bah les piercings chez les filles, c'est ce que je disais pour tout le monde, l'égalité des sexes, elles veulent se faire des piercings, elles font des piercings. Mais non, mais c'est pas l'égalité des sexes. Ce qu'on fait, c'est pourquoi que les filles se font de plus en plus de piercings. Réponds correctement. La question oui, commence pas à répondre n'importe comment. Après, c'est à cause de toute la mode techno, tout ça. Et il y a plus en plus c'est de piercings. C'est à cause de Max, en fait. Ouais, voilà. Non, c'est grâce à Max. Parce que Max non, c'est pas... Max, on l'aime. Ouais, mais peut-être, mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de nanas qui se mettent des piercings. Je me suis dit, c'est vrai que depuis que je fais de la radio, j'en ai percé pas mal. Exact. N'importe quoi. On a des plaisirs. Maxime, à la place de Jérôme, on accueille Roger. Bonsoir, Roger. Oui, bonsoir, Max. Bonsoir, Gégé. Salut. Non, d'abord bonsoir Gégé, ensuite bonsoir Max. Oui, bonsoir Gégé, excuse-moi. Non mais Max, en principe, il est là pour faire l'arrêt, hein, donc non, il est pas là pour... Il est là pour faire joli, en fait, c'est une garde de Noël. Hein. Donc, Sylvie. Moi, je pense que c'est parce que c'est la mode, et elles savent plus quoi faire pour se faire remarquer. D'accord, et Maxime. Oui, bah, les filles se font de plus en plus de piercings parce que c'est la mode qui les incite. Donc, percez-vous, moi je suis... C'est ce que je viens de dire. Se percer, percez-vous, si vous m'écoutez. Et Roger. Elles se font de plus en plus de piercings par rapport à la position de Vénus, par rapport à Jupiter. Ça, c'est quelque chose de acquis, hein. Non, mais attends, Roger. Moi, l'astrologie, hein. Roger. Oui, je suis voyant, c'est pour ça. Hein. Non, mais alors là, c'est pas un thème sur la voyance, hein, je te le dis tout de suite. Et Roger, tu t'appellerais pas Rabbit par hasard? Non, mais c'est bon, Sylvain ou Maxime, là, vous vous calmez, hein. Donc, moi, je vais vous répondre. De toute manière, maintenant, c'est vrai que ça devient à la mode. Et ça, il y a de plus en plus de nanas qui sont... Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, mais moi, laissez-le répondre. Je peux quand même répondre à la question, quand même. Parce que sinon, moi, je passe à l'autre question du débat. On dit comme ça, à 3h30, on arrête, hein. Réponds, vas-y. Donc, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est vrai, c'est venu à la mode, mais c'est sûr que ça coûte assez cher. Bon, maintenant, si c'est comme Marine disait, ou Estelle, ou Sylvie, je sais plus qui c'est, laquelle des trois qu'elle disait, que c'est leur mec qui leur demande. Bon, moi, personnellement, si je connais une nana, je lui demanderais pas de se faire piercing. Moi, j'ai eu un mec qui m'a demandé, hein. Ouais, et tu as accepté? Non. Ah ben, tu vois. J'avais peur que ça fasse mal. Et toi, Estelle? Gérard. Gérard. Oui. Tu dirais quoi si à ta colombe elle faisait un piercing? Moi, de toute manière, pour l'instant, je n'ai pas demandé. Et même si elle me disait je veux me faire persiner, si c'est pour me faire plaisir. C'est Maxime qui a fait un piercing sur la langue. Non, non, ça c'est un truc que j'aurai. Je connais quelqu'un qui en a un sur la langue. Fais-moi confiance que ça doit pas être agréable. C'est qui? C'est la grande Sophie. La moche, là. La grande. Pas Sophie, Stéphanie. La grande Zaza. Tu sais, qui vient souvent à la loco, là, qui est toujours juste devant toi, là, en train de s'éclater sur toi. Elle en a un sur la langue. C'est pas la petite Sophie, là, celle qui en a un sur le ventre, là. La meuf, là, il faut pas confondre piercing et cheveux sur la langue aussi. Non, je l'ai bien vu, c'est bien un piercing qu'elle a. Hein. Elle s'appellerait pas Sophie Favier, par hasard? Non, pas du tout. Qui c'est qui voulait me poser une question? J'avais entendu une voix de fille, là, tout à l'heure. C'est lui. Gérard, tu connais pas de mecs qui ont des piercings dans la langue? À ma connaissance, j'en ai pas entendu parler encore. Il paraît que pour la fellation, c'est bien. Gérard, est-ce que pour toi un coton-tige dans le cul c'est un piercing? Qui c'est qui vient de dire ça? C'est décoratif. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est design. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est de l'art plutôt braque, Vasarely. Qui c'est qui vient de dire cette connerie? Jean-Paul Gaultier. Non, mais répondez là. Plutôt braque, Vasarely. Entre Roger, Sylvain et Maxime, vous répondez s'il vous plaît. Non, mais écoute, ils ont raison. Attends, qui c'est qui dit ça? C'est pas moi. Qui, moi? Moi. Bah, point d'interrogation, il s'appelle. Allez, GG. Je sens qu'il y en a qui vont. Ça va virer vite fait, hein. Ça va gerber, que vous allez dire. Pourquoi que les pantalons pas de téléphone ne sont-ils plus à la mode aujourd'hui? Maxime, c'est bon, ils sont toujours à la mode. Ouais, Gérard remporte un. Non, pas aujourd'hui, tu vois. Je peux sortir le dimanche, hein. Donc, Maxime, toi, pourquoi? Bah, ils sont toujours à la mode, hein. On en voit de moins en moins. Sylvie? Parce que quoi? Parce que je m'en fous. Bon, alors Sylvie, tu dégages, comme ça va t'apprendre. Si tu t'en fous, tu te réveilleras le prochain coup. Ta gueule. Ah bah alors là. Hé hey. Fildar, s'il te plaît. Fildar. Ta gueule, Gérard. Oh Gérard, ta gueule. Oh putain, hein. Oh, méchant, là. Mais quoi? Hé, hey, tu viens, Sylvie, là, allez hop. Allez hop. Oh. Tu dégages. Non, putain. Les pantalons. Tu me la vires là. Les pantalons à pas de téléphone, je voulais dire que c'était pas là. Tu vires Sylvie. Allô. Vas-y, t'écoute. Gérard, t'as un piercing sur la queue. Que c'était pas Sylvain. À la mode. Ouais, c'est pas beau. Hein. Non, c'était pas à la mode parce que moi, je suis allé en boîte avec une côte de maille, on s'est bien foutu de ma gueule. De chevalier, là, c'est bien foutu de ma gueule toute la soirée. Moi, je préfère les pantalons à pattes de babouin. Bon. Estelle. Ouais, donc moi, je voudrais savoir si tu portes des slips à fleurs. Non, mais attends, je te parle des pantalons, alors Estelle. Je te parle des slips, moi. Moi, je te parle des pantalons. Tous les soirs. Des slips style Antoine. Mais Estelle, tu travailles ou tu vas dégager? Est-ce que tu portes des slips kangourous, Gérard? Je sens que tu vas dégager, Estelle. Gérard. Alors, moi, Gérard. Les pantalons, pas de défense, sont-ils plus à la mode aujourd'hui? Pourquoi? Oui, mais plus à la mode dans les années 60-70. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'ils ont plus trop de la mode. Non, mais aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle. Mais c'est évident, Gérard. Non, mais attends, Estelle, répond à côté de la question, elle. Gérard. Pour la question, moi. Gérard. Oui. Bon, Marine. Parce que Greenpeace, ils sont mis à travers, ils ont tué trop d'éléphants. C'est pas Marine, ça. Ils ont tué trop d'éléphants pour faire les pantalons. Et puis Gérard, il a pris toutes les queues. Non, tu sais, Gérard, des pattes d'éléphant, tu sais, c'est large, donc tu ramasses les merdes. Alors, Marine, s'il te plaît, tu réponds à la question. Je te réponds que c'était à la mode dans les années 60-70 et que si t'en mets, c'est pas génial. D'accord. Et Roger? Ben moi, tu sais ce que j'aimerais faire ensuite avec toi? J'aimerais faire ça, regarde. Eh ben Roger, tu vois ce que tu as fait? Dans la cuvette des chiottes. Roger, tu sais ce que tu as fait? Tu as dégagé. C'était pas moi là, Gérard. Non, c'est toi qui viens de le faire, donc. Je suis désolé, tu dégages, ça t'apprendra. Bonne nuit. Gérard, c'était Stéphanie. Non. Gérard, c'était Stéphanie. Je te dis bonne nuit. Stéphanie, pourquoi tu le dis pas? Non, il n'y a pas de Stéphanie sur ma liste. Bon, Gérard, je dis une chose, c'est moi qui commande ici, alors tu fermes ta gueule. Eh ben alors, tu dégages. Tu dégages. Au standard, allez. Tu me vires. Voilà. Gérard, tu sais si je me casse? Tu dégages, ça y est. Je vais t'abandonner comme ta femme et ton enfant, tu sais. Allez, ça, c'était méchant pour l'enfant de la dame. Putain, tu travailles ou quoi, toi? Ah, il montait sur moi, c'est tout. Viens-le, c'est bon, c'est fait. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Pas drôle. Eh, cousin, t'as pas une garette ici? Bon, allez, moi, Max, tu continues, j'arrête. C'est plus simple. Non, mais là, j'écoute les enfants et on n'allait pas trop loin, répondez aux questions, moi. C'est dommage que moi, les questions. Moi, Maxime, je voudrais répondre à la question. Ben, vas-y. Donc, la question, c'était pourquoi ils sont de plus en plus à la mode, c'est ça? Pourquoi que les pantalons en pattes d'éléphant ne sont-ils plus à la mode aujourd'hui? Voilà la question. En fait, c'est parce que c'est un peu dépassé. Parce qu'en fait, c'était plus à la mode du temps. Donc, t'as pas répondu, t'as entendu la question, non? Oui, alors moi, je sais pourquoi. Bon, c'est parce que, bon, moi, je fais du VTT, et puis quand t'as les, tu sais, les pattes d'éléphant, ça se prend dans les rayons, quoi. Ouais, mais pourquoi qu'ils sont plus à la mode aujourd'hui? Ouais. À cause des VTT. Non, mais. VTT Rock Rider. D'accord. VTT, ça veut dire vagin tout trempé. Non, ça veut pas dire ça, ça veut dire. Je sais plus quoi. Vite à vie, ça veut dire. Voilà. Et motobillette, ça veut dire quoi? J'en sais rien donc. Maintenant, on va passer sur le débat des couples. Ah, j'adore ça. Alors, mais vous allez répondre assez rapidement. Assez rapidement. Super ravi. Mais non, même pas assez rapidement, parce qu'après, il nous en reste plus qu'un, donc on va essayer de. On attend, là. Allez. Je vais essayer de voir si j'en retrouve pas une autre question. Donc, que penses-tu? Grouille-toi, j'ai des feux d'embrouille après, vas-y. Les feux d'embrouille, c'est pas sûr si ça va oui, pas plus ailleurs. Donc, depuis. Que pensez-vous des couples célibataires? Donc, Jo. Bien sûr. Jo. Oui. Moi, je pense que les couples célibataires, c'est vraiment, c'est pas super, quoi. C'est-à-dire, pourquoi? Bah, parce qu'on se fait chier, quoi, je crois. Mmh. Ça, c'est vrai. D'accord. Marine? Bah, j'ai pas vraiment d'avis parce que je passe une question un peu conne. Ah ouais, mais c'est des questions qu'on a posées en 97, je refais un best-of là-dessus, donc... J'ai pas dû écouter le jour, là. Ah bah ouais, bah si t'écoutes... Ah bah t'aurais perdu, hein. Non mais attends, mais, dans ces cas-là, si t'écoutes pas les trucs en 97, c'est pas la peine que t'appelles. Oh, il va se calmer, la bête. Ouais, bah, moi je te dis, si t'as pas écouté régulièrement en 97, je sais pas pourquoi que tu t'amuses à appeler à l'heure actuelle. On l'a bête, ça va se calmer, la bête. Non. Parce que tout à l'heure, moi. Deux, Gérard, et solitaire. Eh ben. Gérard, est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Je suis en train de me branler, j'ai envie de te spermer sur la gueule. C'est qui dit ça? C'est le best-of, ça aussi. C'est qui dit ça? Best-of. Eh, je sens que tout à l'heure. Alors, ça va gerber, mais grave. Ouais. Alors, je vais faire comme ce que tu l'as rappelé. Ça va aller vite, je vais virer tout le monde. Allez, hop. Ça va essayer encore plus vite. Donc, c'est seul pour toi? Ben moi je suis célibataire, mais alors par contre, toi, avec la gueule que t'as, je pense que tu resteras toute ta vie. Hein. Ah ben, c'est pas la peine de chercher. Hein. Ouais, ben dans ces cas-là, toi non plus. Hein. Dans ces cas-là. Toi non plus. C'est bon. Toi non plus, SL, si je suis con, bah toi t'es conne alors. Non, je suis pas voilà. Conne, moi. Est-ce qu'on est vraiment célibataire avec un bouton tiré dans le cul? Alors, Jo, tu dégages, bonne nuit. C'est pas moi, hein. Non, c'est qui? C'est Jo. C'est pas moi, c'est Jo. C'est un mec de la radio qui s'amuse. Ah ouais, c'est ça. Un mec de la radio. C'est Jo. Ah ouais. Tiens. Et c'est Jo qui. C'est pas moi qui se raconte. Alors, qui c'est qui s'amuse à dire ça? Alors, Sylvain. Le phare radio. Sylvain. Sylvain. Je sais pas qu'est-ce que j'avais répondu à l'époque. Bon, Sylvain, si tu dors, bonne nuit, hein. Ah ouais, Sylvain. Ok. Alors, tu réponds à la question ou pas? Bah oui, le couple célibataire, mais non, mais c'est débile, franchement, c'est débile. Mais pourquoi? J'ai passé des nuits blanches à t'écouter, mais c'est maintenant que je me rends compte que c'est débile. Compte pas sur moi en 98, hein, je te le dis tout de suite. Eh ben, dans ce cas-là, si t'es pas content, bah tu dégages, au revoir. Bonne nuit. Non, mais je suis content. Non, mais bonne nuit, ça t'apprendra comme ça, si on comptera pas sur toi pour 98 pour participer au débat. Voilà, bonne nuit à toi. Non, tu m'aimes pas alors. Eh ben non, mais alors bonne nuit. Qui, bonne nuit hein. Qui, Sylvain? Alors moi, Sylvain est dehors. Ah bah, bonne nuit, Sylvain. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est célibataire avec une baleine ou pas? Maxime. Oui. Et avec un cygne. Donc, ouais, les couples célibataires, c'est pas une bonne idée, quoi. Mais pourquoi? Bah, parce que vaut mieux être pas célibataire que célibataire. Moi, je voudrais savoir si c'est célibataire hétéro ou homo. Qui? Ouais, ça, c'est une bonne question. Gérard, c'est Sylvie, je veux savoir si c'est des célibataires hétérosexuels ou homosexuels. Attends, mais... Ou bisexuels, peut-être. Attends, elle me traite de connard et de tous les noms, et elle est encore là, que je t'avais dit de la saquer. Ouais, Gérard, t'es chiant, mais dans ta gueule. Alors là, tu la dégages. Gérard, il est bisexuel. Mais moi, je t'emmerde, pétasse. Elle est un petit labyrinthe, celle-là. Oh là là, grave dans les insultes, là. Dans ce cas-là, on n'inquiète pas lui avec moi aussi. Je peux lier avec les gens. Gérard a entièrement raison. Répondez aux questions un petit peu, les enfants, là. Oh, Maxime. Dommage. J'ai déjà répondu, Gérard. Ça y est, donc tout le monde... C'est pas une bonne idée. Ok. Il fallait être des couples mariés. Ok, alors, je vais prendre une question comme ça au hasard sur les couples. Dans quel endroit se forment les couples? Dans les yeux de la loco. Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Estelle ou Marine? Non, c'est pas moi, c'est moi. C'est Estelle. Alors Estelle, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit Estelle, on accueille Mimosa, je l'ai rappelé pour te faire plaisir. Alors Mimosa, tu t'appelles Couscous aussi s'il te plaît. Gérard? Oui. J'aimerais bien que tu leur dises qu'ils s'arrêtent de me raccrocher comme ça constamment. Non, mais t'inquiète pas, je croyais que c'était une fausse manœuvre de la part de Filda. Tu rappelles Couscous s'il te plaît, ouais, Filda, quand même. Couscous. Hein. Ouais, parce comme on a... Non, mais attends. Couscous, là, parce qu'il est sympa, lui. Oh hey, tu rappelles Couscous comme on a Mimosa, tu rappelles Couscous quand même, là, maintenant. Et tu rappelles Arissa aussi, hein. Non, mais... Et puis, oui. Et puis tu rappelles Manuela aussi. Hein. Bon, alors, j'ai rappelé Couscous à la place de Maxime. Ok. Non, c'est pas Maxime qu'on a viré. Non, mais c'est bon. Bonsoir Gérard, c'est Couscous. Ouais. C'est Cutie qu'on va virer. J'ai encore là, il avait fait une fausse manipulation. Ouais, c'est pas grave. Donc alors, je répète la question, je pense que vous l'avez entendue. Donc Mimosa. Oui. Donc pour toi. Un peu partout, dans la rue. Non, attends, parce que là, c'est une autre question que j'avais prise. Sur que pensez-vous des couples célibataires, c'est pour ça? Les couples célibataires, je trouve que c'est pas bien parce qu'ils doivent être drôlement malheureux. Mm-hmm. Et donc, il vaut mieux qu'ils soient unis plutôt que d'être célibataires. Ah, enfin, il y en a qui comprennent parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils comprennent pas. Couscous, tu peux répondre, ouais. Il y a l'arrivée. Ouais, Couscous. Donc, les couples célibataires, oui, mais avec des merguez et des pois chiches. Oh, le mot pour rire, c'est bien pour commencer l'année 98, c'est bien. C'est cool, hein. Ça, c'est pas mal, Couscous, ça, là, t'as raconté. Donc, Marine, t'as répondu? Oui, ça y est. Jo? Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, là, hein. J'ai compris la question, je suis d'accord. Voilà, okay. La prochaine question, c'est où est-ce qu'on peut rencontrer... Dans quel endroit se forment les couples, pardon? À qui de répondre? Alors, Jo. Alors, moi, je trouve que les couples se forment bien dans les lavomatiques. Ouais, lavomatique. Ah, très, très bon, lavomatique. Ouais. Très, très, moi, très bien. Que c'est bien, là. Ouais. Ah, genre... Les boîtes d'échangisme aussi, comme dirait Max. Mm-hmm. Marine? J'ai dit dans les boîtes d'échangisme. Tout à l'heure, Max en a parlé. Ah, ouais, j'étais là quand j'étais en haut quand ils en ont parlé, ouais. Voilà. Excuse-moi, Gérard, on accueille Monchou à la place de Sylvain. Et j'aimerais que Capucine raccroche son téléphone. Merci Capucine. Capuce, on raccroche s'il te plaît. Alors Monchou. Ouais, j'aime bien quand tu m'appelles comme Monchou. Ça. Bonsoir. Voilà. Oui, grande frère. Mmh. Allez. Mais gros cul. Quoi? Attends. J'étais sur avec Marine là encore, pardon. Ah, c'est moi. Marine? Ouais. Donc toi t'as répondu, c'était sur... Dans les clubs échangistes, comme le truc que Max avait passé tout à l'heure. Voilà, exactement. Ah d'accord. Donc pour toi, Mimosa? Partout, dans la rue, dans le métro, sur cette radio, partout. Ah la salope. Attends, qui c'est qui commence à dire ça? Elle est chaude, hein? Attendez, je préviens d'une chose. J'entends encore un mot salope comme ça, je vais pas chercher qui c'est, je le virai Joe. Et mon chou. Ben non, tu arrêtes, hein, moi j'ai rien dit, hein. Ok. Et c'est Jo, j'ai rien dit. Oui, ma biche. Arrête, hein. Alors attention, hein. Moi, on accueille Bébert aussi, excuse-moi. Je Bébert, à la place de la fille, là. À la place de Sylvie? D'Estelle. Ben non, c'est Mimosa qu'on a. Non, mais Mimosa, elle a la place de Sylvie. Enfin bref, c'est un mic-mac. Ouais, bon, c'est pas grave. Chaise musicale. Qu'est-ce que tu m'as dit, merde? Bébert. Donc, Salut. Je t'aime. Allez, Bébert. Oh, t'aime, mon amour. Ok, hey, Marine et Bébert, là, vous commencerez pas, ou sinon vous allez gerber tous les deux d'entrée, là. J'ai juste dit bonsoir. Donc, bonsoir, Bébert. Donc, merci. Pour toi, parce que ce nom-là, j'aime pas. Alors, pour toi. La couille. Donc, les couples, c'est sur la coupe encore. Oui. Donc, ils se rencontrent un petit peu partout. Dans quel endroit se forment les couples? Dans quel endroit? Oui. Je sais pas, dans les églises, dans les... T'as déjà vu un... Attends, t'as déjà vu un couple se former dans une église? Non, moi, je fais notre père et je bande. D'accord. Donc, il rencontre... Qui c'est qui pose, là? Qui c'est qui parle, là? C'est Bébert qui voulait répondre. Oui, Marine, tu disais? Eh ben, comme lui, il veut rencontrer sa femme dans une église, l'épouser vierge dans une église. Donc, il... Non, pas la femme vierge, qu'est-ce que tu racontes? Blasphème. Ok. Donc, Bébert, pour toi? De ma fenêtre, moi, j'ai déjà vu se former sur la rambarde de la fenêtre, et aussi sur les toits, à côté des gouttières. La plupart du temps, ils se mettent là, ils se forment là. Mais là, je peux pas leur lancer de pain. Mm-hmm. Mais sinon, quand ils veulent, non, ils se forment pas, il n'y a pas de couple. D'accord. Ils sont à plusieurs en groupe. Mm-hmm. C'est surtout sur le balcon où ils sont en couple. Couscous. Oui, bah les couples ils se forment un peu partout en France. T'as toujours un petit mot l'autre qui va rencontrer une Rachida. Ah, ok. Ok, donc. C'est surtout dans le petit style d'Euro Disney. Ouais, c'est sympa. Et quand Mouloud, c'est la merguez dans Marine. Marine. Ouais. C'est toi qui voudras parler de couscous après? Non. Non, c'est Bébert. Ouais, Bébert, je te connais bien. On a fait une merguez partie avec Kadir. Et je me souviens, c'était bien. Bon, mais bon. Gégé n'était pas là. Non, ah, il était pas là, il a pas voulu branler la merguez. Ouais, c'est ça. Hein. Le lâcheur. Gérard, moi je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai que t'as rencontré ton premier amour au salon de l'agriculture? Non, c'était dans un bois, il l'a dit. Non, mais quand vous posez des questions comme ça, vous donnez vos noms. D'accord. C'est ça, vous pouvez faire gérer un peu plus vite. Moi, c'est ouais. Moi, qui c'est qui dit qu'il peut avancer un peu plus vite? Ouais, c'est Emmanuel. Ouais, ben Marine, si tu permets, j'ai le droit. Les gens ont le droit de me poser une question, j'ai le droit de répondre, d'accord? Donc c'est vous là. C'est donc si ça te plaît pas, Marine, attends, je vais finir avec Marine, si ça te plaît pas que je réponde aux questions qu'on me pose, dans ce cas-là, tu raccroches ton téléphone. Gérard. Et on va essayer d'avoir Capucine si ça te plaît pas, d'accord? D'accord. Ok, bon. Donc Jo, tu disais. Ouais, moi je voulais savoir ce que c'est vrai que t'as rencontré ton premier amour au salon de l'agriculture. J'ai jamais été. Non mais attends, Jo, je vais te répondre, j'ai jamais été au salon de l'agriculture comme tu dis si bien. Même pas l'exposition. Non. Ah bon. Donc voilà. Donc alors depuis. T'es pas tout nu là-bas. Non. D'accord, ok. Qui c'est qui voulait reposer une question là, vite fait? Bébert. Ouais. Comme j'ai pas entendu ce qu'a dit Mouloud. Non. Ouais, ben couscous, ouais. Couscous, oui. Couscous, j'aurais voulu savoir ce qu'il en pensait. Il vient de te le dire. D'accord, excusez-moi. Il vient de te dire, on rencontre des couples un peu partout et toujours un petit moulot qui va voir une Rachida. Eh ben, moi, j'ai trouvé ça sympa. Sur les trottoirs, dans les coins de rue, dans les boîtes de nuit, à la locomotive, partout. Hein. Si, souvent, t'as des jeunes, t'as des gens qui se rencontrent là-bas. En boîte de nuit ou que ça Qui c'est qui cible là? Ouais, c'est gênant, hein. On discute. Moi, Gérard, avec pourquoi Gérard. Est-ce que les couples célibataires sont bisexuels? Et si oui, pourquoi? Bah, on cherche un peu. Non, là, je vois pas le rapport. C'est une question. Non, je vois Gérard, pas. Oui. C'est une question. C'est Mimosa. Oui. Bah, Mimosa. Moi, j'ai une question. Oui. Bah, je l'aime bien, Mimosa. Où est-ce que tu aimerais rencontrer ta femme? Au bois de Boulogne. Alors, je veux que tu dégages. C'était pas moi, qu'est-ce que tu racontes? Alors, c'est qui a dit au bois de Boulogne? C'était l'autre, là. Comment il s'appelle, l'autre, là? Oh non, mais attendez, parce que là, si vous vous amusez à dire des conneries sans donner vos noms, ça va jamais s'arrêter. C'est quoi des gens sérieux? Alors, la question, c'est pour comment je voudrais rencontrer la femme de ma vie, c'est oui, ça? À quel endroit? N'importe où. Et dans quelles conditions? Ben, dans des conditions autres que l'histoire des chiottes de la loco, tout ça. C'est-à-dire, soit en boîte, soit dans le train, soit sur un quai de gare, soit dans le bateau, partout. Soit dans le métro, même par correspondance. Bon, on a compris, Gérard, question suivante. Par fax, dans une boîte à lettres. C'est pas courant, mais c'est toujours agréable. Bah si, ça se fait, hein. Dans un tunnel? Non, pas dans un tunnel, comme ça. Dans un tunnel, dans le métro. Ouais, c'est ça. Gérard, est-ce que c'est vrai que pour rencontrer quelqu'un, tu t'es enfermé dans un tambour de la machine à laver dans un lavomatique? Non, pas du tout. Bon, alors la question suivante. Donc, depuis quand les gens forment-ils des couples? Couscous. Alors, les couples, ça se forme depuis belle lurette. Par exemple, les merguez et les pois chiches. La petite boîte d'humour, c'était pour tout à l'heure. Hein. C'est pas bête ce que tu dis. Alors, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Oui, dans le couscous, hein. Bah, le couscous, dis donc, il n'a pas tout entendu, donc... D'accord. Ouais, mais c'est ça, on n'entend pas tout parfois. Alors, en fait, je me rappelle. T'en es top pochis. Ouais, attends, t'es gentil, tu nous laisses chatier un peu. Ouais, non, mais attendez, Se forme depuis que les femmes existent avec les hommes. D'accord. T'as regardé Adam et Ève, hein. Vers quelle époque, couscous? En 1492 avant Jésus-Christ. D'accord. À ton avis, couscous, une dernière question, Gérard, s'il te plaît. Oui. C'est plus l'homme ou la femme qui va vers l'un vers l'autre? En principe. Non, c'est pas toi, je parle à couscous. Je dirais plus que la femme va plus vers l'homme et que l'homme va plus vers la femme. Dans quelle année? Alors là, c'est une question à laquelle je te répondrai pas. D'accord. Bébert. Je te réponds justement directement. Vis-à-vis. Non mais Bébert, depuis quand les gens forment-ils des couples? Donc tu réponds à la question s'il te plaît. au début, il s'est passé des tas de choses et il y a eu la conclusion que, comme toi, t'es venu sur Terre ou comme la femme. D'accord. Ouais. Moi, j'ai une question à poser à Bébert. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est Napoléon Bonaparte qui a inventé les couples? Ah, seulement, non, je suis pas d'accord avec toi. C'est tout. S'il te plaît, j'avais une dame. Bébert et Couscous, là, s'il vous plaît, il y a encore 4 personnes qui n'ont pas répondu, donc vous laissez répondre les personnes si vous voulez. D'accord, ensemble. Vous acterez en antenne, hein. Parce qu'après, il y aura encore un dernier débat à aborder. Il est déjà 3h15, alors répondez les 4 derniers. On n'aura peut-être pas le temps, alors les 2 derniers. Vas-y, les 4 derniers à répondre, là. Donc, mon chou, là. Oui, bonsoir, mec. Oui. Tu réponds, s'il te plaît. Tu restes poli, s'il te plaît. Oui, déjà, les couples existent depuis déjà très longtemps. Ouais. Même en pensant à tes parents, les hommes préhistoriques. Non, mais depuis quand les gens forment-ils des couples? Je te parle pas des... Déjà, l'époque de la préhistoire. Déjà, les femmes allaient à la cueillette, les hommes allaient à la pêche. Ouais, d'accord. Ils formaient des couples. Mmh. Déjà, ils se mettaient des silex dans le cul. Non, ça c'est un peu vulgaire, ça. Ça fait mal, ça. Ça fait surtout mal, oui. Mimosa, pour toi? Depuis la nuit des temps, depuis que l'amour existe. Mmh. C'est-à-dire? Là, ta réponse, elle est vague, hein. Bah, depuis que l'être humain existe, depuis qu'il y a 2 sexes différents et qu'ils ont trouvé le moyen de se culbuter. D'accord. Marine? Bah, depuis Adam et Ève. Non, bah ça m'aurait étonné que me dises pas ça, hein. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis qu'il y a 2 personnes qui peuvent être ensemble et qui se plaisent ensemble. D'accord. Et Jo? Depuis tourner manège. ça m'aurait étonné aussi, hein. Non, mais c'est sûr. Les amours. Ouais, mais c'est sûr que... Oui, qui c'est qui rigole comme ça, là? Tu sais qui rigolait comme ça quand je voulais répondre? Et Gérard, qu'est-ce que t'en penses que Adam et Ève vont repeupler le monde? Est-ce que ce serait possible que moi et toi on repeuple le monde en explosant ta boîte à caca? Non. Mais alors là, tu vas rester quand même poli là-dessus, hein. Parce que... Il y en aura trop, ça nous noierait tous, hein. C'est toi, Marine, qui dis ça? Oh, Marine! Quoi? C'est toi qui viens de dire ça? Quoi donc? La connerie, là? Quelle connerie? Non, mais attends, il y a quand même bien une nana qui vient de dire une connerie comme ça, qui a répondu sur celui que le mec a parlé, là. C'est-à-dire? C'est Mélanie. Qui a parlé, là? Bon, allez. Il devient fou, le mec. Ouais. Il est parano. Ouais. Alors, on va faire une pause, mais juste avant la pause, il y a encore un débat que Gérard aimerait aborder, un des plus grands débats de l'année 97. Ouais, celui-là, je crois qu'il a été très chaud. Alors écoutez bien le débat que nous allons aborder, les 3 questions d'un débat qui était sur le... Alors c'était le sexe et la pornographie. Le sexe et la pornographie. Voilà, et la première question que nous poserons... Alors, fréquentez-vous aussi les sex shops, donc on revient à peu près sur le truc des clubs échangistes. Voilà, donc... Réfléchissez bien à tout ça. Et Fildar, tu t'amuses pas à zapper tout le monde, ce coup-là. Voilà, et si vous souhaitez, par le plus grand des hasards, intervenir encore, faites vite, il vous reste encore 3 quarts d'heure pour le best-of de Gérard en direct avec les meilleurs moments. Il y a toujours DJ Bingo Standard et... DJ Rico. Et l'enfoiré de Fildar qui raccroche au nez de tout le monde. Ouais. Donc 0-870-5000 et 0-803-08-5000, DJ Bingo s'occupe de tout, et pour l'instant... le titre de la musée du disque qu'on s'écoute, c'est la tulipe qui pense rose, la vie reste toujours, la vie devient... Voilà. Et donc c'est la suite des débats, donc c'est toujours le best-of de la nuit encore qui continue, donc on récupère... Approche-le. Approche-le, encore. Voilà. On récupère Jo, Marine. Ah non, mais j'ai rappelé tout le monde. Mais merde, putain, mais qu'est-ce que tu me fais là à chaque fois? Bah tu m'as dit de changer. Non, je te dis. C'est là la nouvelle liste. Putain, mais c'est pas vrai, hein. Bah excuse-moi. Oh là là là là. Putain, mais c'est dingue toi, hein, ton boulot. On dirait que ça te coûte cher, hein, de faire ce qu'on te demande, hein. Patrick, bonsoir. Allô. J'aimerais savoir si c'est vrai que toi et Christine, vous avez tourné un film qui s'appelle Jurassic Sex. Ouais, non, pour l'instant, tu dis bonsoir, après tu répondras aux questions que j'ai à te poser, d'accord? D'accord, bonsoir. Magnolia. Marjolaine. C'est moi. Bonsoir. Salut. Serge. Salut. Ken. Bonsoir. Patricia. Bonsoir. Et Jean. Bonsoir. C'est pas mal, toi, quand je te demande quelque chose, de pas me virer les gens, non? Bonsoir. Toi, tu me les vires. Surtout que c'était bien parce qu'entre Bébert et Couscous, on s'amusait pas mal. Là, je crois que ça aurait bien, bien jonglé encore. Ah, mais c'est pas grave, je dis, on va pouvoir s'éclater tous ensemble. Ah, ouais, non, mais même, ça fait deux fois qu'il me fait le coup alors. Non, mais laisse tomber, on va rappeler. Je vais pas essayer de rappeler Couscous. Non, mais laisse tomber, on verra. On verra, il y a deux. J'ai la question, allez. Ah, bah la question, elle a été posée avant le disque. Hein. Mais tu l'as posée où, sur la table? Ouais, mais on est de temps en temps dans les sex-shops. Alors, voilà. Donc, Patrick? Moi, je suis d'accord, quoi. Ouais, mais t'es d'accord sur quoi? Qu'il faut poser la question. Après, quand Patrick, tout à l'heure, tu as dégagé, ça va aller vite fait, toi. Hein. Attends, j'ai rien fait. Non, mais tu as te réveillé, parce que sinon, tu as dégagé. Bah, je suis réveillé, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit, la question, je l'ai posée avant la pause. Mais tu l'as posée où? Je la vois pas. Eh, t'as où? Bon, Patrick, encore un truc comme ça et tu dégages. Ouais, t'as raison, vas-y. Alors, est-ce que tu réponds à cette question ou pas? Oui, je veux répondre à cette question. Alors, tu réponds? Ouais, moi, j'aimerais savoir si t'as tourné un film qui s'appelle Jurassic Sex avec Christine. Eh ben alors, tu dégages, ça t'apprendra. Allez, hop, tu me rappelleras... Joe! Non, Couscous. Ok. Alors, Marjolaine. Ouais. Donc, fréquentez-vous aussi les sex shops? Non, j'ai jamais été. Bon, d'accord. Et pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais moi un peu dans le cul. Oh. Ok, je préviens que celui que j'entends encore dire ça, il va gerber. On est 16e. C'est qui dit ça? Un petit buddy fucking. Bon, t'essayes de savoir qui c'est là? Oui, c'est Gérard. Couple à deux. Gérard, toi, moi. Gérard. Non, Serge. Oui, alors moi je te disais, Couscous et Bébert, c'était bien sympa, mais nous on veut aussi répondre aux questions. Eh ben tu réponds, je l'ai déjà posé. D'accord. Non, mais moi j'ai... c'est quoi c'est la personne qui jouait là? C'est quoi ce débat? Oh, Marjolaine, tu Gérard. Gérard. Marjolaine. Gérard, je te mettre un doigt dans le... Marjolaine. Gérard. Oh oui, Gérard. Gérard. J'ai envie de te mettre deux doigts dans le... Oh, Gérard, tu te réveilles un petit peu? Oh, Jean, s'il te plaît, pense en Gérard. Gérard, c'est vrai que tu les aimes bien longs. Bébert, là. Hein? Gérard, c'est vrai que les bites, tu les aimes bien longues et bien dures. Attends, Jean, c'est pas le thème de la question, d'accord? Alors tu vas te calmer. Marjolaine, c'est quand même le thème de ta vie. Qui c'est qui dit ça? Ouais, mais il préfère peut-être les cotons-tiges, le Gérard. Bon, alors, Jean, tu dégages, ça t'apprendra d'être poli. Ouais, c'est bon, je rappelle Couscous. Voilà. Marjolaine, s'il te plaît. Tu te calmes, ou sinon tu vas virer. D'accord. Ok. Alors, Serge. Moi je sais plus où on en était. Fréquentez-vous aussi les sex shops? Oui, mais ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé parce qu'aujourd'hui c'est trop cher maintenant. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas, moi qui habite. Tu sais, j'habite une petite province et à la capitale, c'est combien aujourd'hui les sex shops? J'en sais rien. T'as pas été voir depuis? Non. Et les pipe shows? Non plus. Karen? Y a personne qui me dit, qui peut me dire c'est combien les prix? Ben, tu viens sur la capitale, et comme tu dis si bien sur la capitale, et puis tu verras. Mais écoute, je passe samedi, on peut peut-être se voir, tu pourras m'emmener. Non, tu iras tout seul. Tu veux son adresse? Non, ça va aller. Ça va aller, Serge, tu vas dégager. Et j'ai filmé ton adresse, et puis on se voit samedi. Non, je te donne pas mon adresse. Mais si, on va au plateau ensemble. Je te la donnerai hors antenne. Si bon, alors, Serge, tu dégages. Et pourquoi? Tu dégages, t'as pas besoin de dire que tu donneras mon adresse. Hop, termine. Non, j'ai pas dit que je donnerais ton adresse. Si, tu viens de le dire. Si, je viens de le dire, t'avais entendu. Bon, on prend les gens pour des cons. Hein. Tu sais qui c'est Bébert. On a récupéré donc Bébert, Couscous et Joe. Ouais, bonsoir. Ça va mon Couscous? Ouais, salut, je suis toujours là et grâce à mon petit GG. Tu m'étonnes. Couscous. C'est bon, c'est bon. Ken? Il y a Bébert aussi, hein. Ouais, mais c'est bon. On se calme là, Bébert, Couscous et Joe, là vous calmez. Donc moi, pour les sex shops, il y a un truc bizarre quand même, parce que moi je veux toujours y aller, et à chaque fois ils tirent le rideau. Donc je peux pas rentrer en fait. D'accord. Donc je me demande si, je sais pas, même pas. Okay. Le rideau il est toujours tiré. D'accord. Patricia? Oui. Donc pour toi? Oui, moi je fréquente les sex shops régulièrement. Pourquoi au juste? Pour mon plaisir personnel. J'ai envie de sentir ta bite. Ça c'est chaud ça. Oh là, que tu es chaud. Tu me l'as... Alors elle a 15 ans. Laisse la culotte. Ouais, à mon avis, je crois qu'elle doit avoir 15 ans celle-là. Laisse la culotte à moi, mais elle peut sentir la bite. Alors si tu veux, je t'emmène avec moi faire un tour au sex shop. Non, là. Gérard, faut que tu te dévoies un petit peu, là. Ah, non, mais attends, c'est qui c'est de manière à ma vie réelle. Donc, Patricia, donc, pour finir, toi. Ben, moi, je vais dans les sex shops pour trouver des ustensiles de différentes tailles et de différents diamètres. Quelquefois, des petites potions magiques pour mon ami qui n'est pas toujours aussi vaillant qu'il le prétend. Et puis, pour diverses choses. Ouais, mais bon, avec ta gueule que t'as. C'est normal qu'il bande. D'accord. Couscous. Ouais, bah moi je vais pas dans les sex shops parce qu'ils ont jamais ce qu'il faut là-bas. Mais si j'y vais, ça serait pour trouver un petit peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de piment. Attends, Patricia. Pour parfumer mon petit couscous à moi. Tu vires Marjolaine là. C'est Marjolaine, tu la vires. Couscous, t'as quoi comme pigeon? Tac, terminé, je peux le savoir. 404 moi. 404. Ouais, j'ai une 404 avec tous les autocollants derrière. Ok, c'est bon, Couscous. Donc, Joe. Attends, je vais venir à toi aussi après, mais attends. Dans le sens, je demande à Joe, d'accord? Mais alors, moi, tu vois, je travaille dans un sex shop, hein, je fais un show gay, mais je dois t'avouer que... On a qui? Pardon? Hein? Attends. Sonia à la place de... Marjolaine. Et qui c'est qu'on a à la place de Serge? De Bébert. Patrick? Tu sais, attends, Bébert, tu m'as dit à la place de Patrick et Serge, alors... Bon, il y a Jo. Il y a Jo, Couscous, Patricia, Ken, Sonia et Bébert. Ah voilà. Eh ben voilà, on est bien là, tous ensemble. Bonjour, okay. Salut Sonia. Ouais, donc, Jo, alors, donc Jo. Ouais, moi, donc moi je travaille dans un sex shop et je fais un show gay. Mais je peux, depuis quelques temps, on n'a plus de clientèle parce que paraît-il que l'achat des chats de Léoco, c'est vachement hot, quoi. Non mais alors Jo, je te dis la vérité, hein, on n'a plus de clients. Et tu les vends combien les gottes à GG? Bon, qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça là? Qui c'est que tu vires? Sonia, c'est Sonia. Non, c'est un mec, alors Bébert, je te préviens si c'est toi qui m'as dit. Non, tu me connais. Pourquoi tu m'excuses? Mais attention. Gérard, il vend des godemichés pour l'association de Zen. Moi, Bébert, j'ai l'impression que quand il a plus de caméra dans les mains, c'est ça. Quoi? C'est toi qui viens de dire ça? Et alors? Et alors tu dégages. Hop. Salut. Je m'appelle Mimosa. Voilà. Et tu t'excuses auprès d'elle pour la troisième fois. Ok. Alors Sonia. À genoux. Sonia. Oui. Donc pour toi, fréquentez-vous les... J'y ai été une fois, ça m'a vraiment pas emballé. Ah, elle est là. Mimo, rebonsoir. Ouais, ça commence à bien faire. Ouais, c'est pas de ma faute, hein. Tu t'en prends un profil d'art. Non, mais bon, c'est pas sa faute, j'en veux pas, mais bon, ça m'agace un peu. Ok. Il reste Sonia Bébert, et puis toi, tu répondras. Oh la merde. D'accord. C'est ma présence qui te trouble? Non, c'est que j'étais en train de parler à Sonia, et Sonia m'a dit qu'un truc qui est bon. Sonia, tu me disais. Je disais que j'étais déjà allée une fois dans un sex shop, et que ça m'avait un peu beaucoup déçue, parce que bon, je sais pas. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que les prix sont démentiels. Et puis y a pas des trucs vraiment innovants, quoi. D'accord. Sonia, est-ce que tu suces et tu avales? Bébert. Moi je pratique pas toutes ces cochonneries là, tout ce qui est libertin, tout ce qu'il faut payer pour avoir la femme, je pratique pas. Tu as bien raison, Bébert. Moi je suis d'accord avec toi à la maison. Tu vois ce que je veux dire, Gérard? Je veux dire, moi j'ai pas tout ce que Gérard. Bah écoute, c'est bien ce que je dis, hein. Tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai ce qu'il faut à la maison. D'accord, ok. T'as compris ce que je voulais dire? Bah ouais, t'as une femme. Un pitbull. Ouais. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu as failli te faire violer par un pitbull parce que tu pues la transpi? Qui c'est ça? C'est Luigi. Mais c'est quoi ce bordel? Luigi, il était pas là? Non mais attends, on n'avait pas Luigi, j'avais Ken. Non, c'est Joe là. Bah, Joe qui se fait passer pour Luigi. Avec sa voix de René. Et Joe, et qu'est-ce que tu racontes? Et Joe, là. Et Ken, il est toujours là? Ouais. Bah non, il est parti avec Barbie. Ok. Ken, t'as répondu? Barbie girl. Hey, qui c'est qui chante, là? Come on, Barbie, let's go, Barbie. Oh! Sonia. Ouais? Hey, Ken. I'm a Barbie girl. Barbie world. Ken! Oui? Tu réponds, s'il te plaît? Il n'y a aucun problème. Je vais répondre à la question suivante. Fréquentez-vous les sex shops? Alors, Mimosa, pour finir, après, on a peut-être l'autre. Oui, mais très rarement. Et tu m'attaques, j'appelle les flics, hein. Non, mais comment ça faire? Attendez, oh! Moi, je t'attaque la touffe, genre. Oh! Je te bouffe la touffe, Gérard. Eh, Joe, Couscous, Soukian et Bébert, vous vous calmez quand, quand je veux savoir quelque chose, parce que j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Vas-y, Gérard, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir. Donc, tu disais, toi? Je disais que ça m'arrivait, mais rarement, quelques fois, de temps en temps. Gérard, est-ce que tu peux te calmer plus doucement, s'il te plaît? Gueule. Bon, la fille, elle se calme un petit peu. Ouais, là. Sonia, ouais, tu vas te calmer. Je sais pas, il part un petit peu en couille. C'est possible d'avoir le niveau de cochon. Ça part un petit peu en couille. Ouais, ben attends, ben là, maintenant, ça va se calmer. Je vais poser la, la question. Avez-vous déjà vu ou participé à une partouze? Alors, Bébert. Moi, je te dis, je pratique pas toutes les cochonneries. Hein. Ouais, d'accord. Ah ouais, toi, c'est vrai, t'aimes pas les sex shops, donc t'aimes pas... Un petit frustré, lui. T'aimes pas participer ou regarder une partouze, c'est ça? Bah ouais, t'as bien compris. D'accord. Donc Sonia? Si tu considères que faire ça à trois, c'est une partouze, bah oui. Bah en principe, ça, c'est ou à trois, ou quatre, hein, n'importe. Hein, ah ouais, d'accord, oui. Ok. Et t'as déjà vu ou t'as déjà participé? Non, j'ai participé. D'accord. Oh là là, la cochonne! Ouais. Apparemment... apparemment, ça, t'as dû aimer ça, hein? Et toi, Gigi, est-ce que t'es ouvert à ces choses-là? Attendez, je vais répondre après à la question. Je vais répondre après, quand même. Hein. Je vais laisser finir les gens. Ken? Bah moi non, j'ai jamais participé, mais je suis prêt à participer. Avec donc, moi? Oui, y a pas de problème. Tu sais qui? Avec qui? Avec Sonia? Ouais. Ah bah d'accord. Tu lâches ton numéro après? Ouais, ben, vous arrangerez hors antenne, hein? Ok. Hors antenne surtout, pas en direct. Mimosa? Oui. Sinon, tu m'appelles sur le portable de GG, il me fera le message. Ken? Oui. Si tu t'amuses encore à dire une seule fois ça, tu vires. Gérard, si tu me vires, je donne le numéro de ton portable. Alors tu dégages. Non, mais attends, je le donne. Hein. Hey 0685, je donne tout. Hein. Voilà, terminé. Voilà, donc, comme ça, tu te vires complètement, hein, c'est pas la peine. Complètement, non. Non, parce que là, c'est plus la peine. Donc, Mimosa, tu disais? Je disais que oui, et c'est très bon. D'accord. T'as participé, t'as déjà vu? J'ai des bruits, pas forcément quand tu participes, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on voit exactement? Ben, tu vois tout ce qui se passe, pas sur toi, mais sur les autres. Voilà. D'accord. Alors, Couscous? Mais oui, bien sûr que je participe à la partouze. Avec mon arrêt, on n'arrête pas de faire ça toute la nuit. Eh oui. La petite Rachida, je la prends par derrière et je lui mets les gousses. D'accord. Il est marrant, Couscous. Ouais, donc Joe. Ouais, alors moi j'ai vu une partouze sur internet, j'ai vu des photos, ça m'a hyper choqué. Il y avait trois personnes, c'était sur internet. C'est ta gueule, putain, c'était Christine, Gérard et Christige. Bon alors Joe dehors. Et bien là. Alors attention Sonia, parce que toi aussi tu as viré. Excuse-moi. Alors Joe dehors, hein, lui, ça y a plein de gens. Attention, hein. Accueille Gugu à la place de Ken. Bonsoir, Gugu, bienvenue parmi les hommes, Gugu. Bonsoir, Gugu. Bonsoir, Gugu. Bonsoir, bonne année, Gugu Gamno. Gugu, tu réponds à la question, s'il te plaît. Bah, j'étais au standard, tu peux me répéter, s'il te plaît. Alors, avez-vous déjà vu ou participé à une partouze? Ah non, jamais, mais je veux bien participer à... C'est pas moi, Gérard, c'est Bébert. Faut pas dire accuser les autres. Oh d'accord, bébé, comme t'es un ami en moi, je vais te dire. Faut chier les autres. Je vais te dire. Bébé, Couscous. Bébé, Couscous, Sonia. Les deux hors antenne. Hey, Gugu, là, tu réponds, s'il te plaît. Oui, donc moi je veux bien participer à la partouze de Sonia à la place de Ken, si elle est d'accord. Bah écoute, oui, pourquoi bon, pas. Moi je vous verrai. Y'a pas de raison d'accuser les autres après, Gérard, si tu veux, je te préviens. C'est pour une personne. Oui, et de toi. J'étais monté dessus. Gérard, si tu veux, je te préviens. Bah Sonia, tu m'as dit. Oh. Attention, là, il est encore là, le Ken, hein. Non. Je dirais les bonnes personnes aussi au standard, hein. Là, va falloir se calmer, celui qui s'amuse à vouloir donner mon numéro, hein. Et on a Herbert à la place de Joe. Bonsoir Herbert, hein. Bonne année, Herbert. Bonne année aussi, Herbert. Et bonsoir, monsieur Gérard. Bonsoir. Surtout la santé. Ah, mais c'est Herbert Léonard. Allez. Herbert Léonard, les chansons sont aussi pourries. Hein. Hey, Gugu ou Bébert, là, vous vous calmez, s'il vous plaît. Non, c'est pas Bébert. Bon, alors, c'est qui? Ouais, c'est pas Couscous, non plus. Vous vous calmez, donc... D'accord, Gérard. Herbert, tu réponds? Non, c'est Bébert, pas Herbert. Herbert, tu réponds, s'il te plaît? Non, c'est Bébert, pas Herbert. C'était Herbert, je vais répondre. Hein. Alors, monsieur Gérard de Suresnes, si on prend l'étymologie de partouze, par qui vient du latin, ous qui vient de douze, il faut comprendre que ça revient très très loin. Hein. Mm-hmm. Il faut prendre, ça c'est très très important, le dictionnaire Petit Robert, qui est parent, et l'onculé. D'accord. D'accord. Ok, c'est bien. Eh bon, donc... Gérard. Oui. Question suivante. Ben, on y arrive. Doit-on mettre de la vaseline avant un rapport vaginal? Alors, Herbert, tiens, ben... Non, c'est Bébert. Non, tu permets, il y a Herbert, Bébert. Oui. Ok. Herbert. Il n'y avait pas compris. Et alors, couscous berbère, il faut répondre. Bon, Herbert. Non, Bébert. Non, pardon, je déconne. Herbert, Berbert, Berbert. Bon, Herbert. C'est bon, Bébert, s'il te plaît, tu te calmes. Ok, il n'y a pas de problème, Gérard. Alors, Herbert. Pour accuser les autres de travers. Oh, Herbert, tu... Oui. Oh, Sonia. Sonia, tu te calmes. Alors, moi, je vais te dire, Gérard, moi, je trouve que de la vaseline, ça fait cheap. Donc, je prends du beurre, hein, de cacao. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Ok. Ok, ça marche. D'accord. Couscous. Ok. Où est l'aide de la vaseline, Gérard? Hein? Pourquoi tu aides de la vaseline? Moi, je mets de la semoule, ça marche aussi bien avec la Zobida. Mimosa? Non, j'ai pas besoin de vaseline. D'accord. Donc, tu m'expliqueras ça tout à l'heure. Gugu, ouais. Je ne sais pas mon nom. Non, je mets pas de vaseline, moi, c'est caché, c'est tout sec. D'accord. Sec. Sonia? Ah, mais non, j'ai pas besoin. Ouais, mais toi qui tout à l'heure, qui aimais bien pas mal de trucs, alors donc, je vois pas pourquoi maintenant que tu changes, là. Hé, Gérard, est-ce que tu peux parler un peu plus lentement? Je suis en train de me branler, là. Pardon, celui qui se mise en salle tout à l'heure, il va gerber. Hein. Ah. Bébert. Il va gicler. Il n'y a pas de problème. Hein. Vaseline, huile de moteur, couscous. Huile de moteur. Oh. Ah ouais, non, mais moi, je suis adepte à tout. Hein. Si c'est pour te mettre bien profond, j'ai... D'accord. Alors donc... N'importe quoi. Donc, on a fait le tour du débat, là. Waouh, ça y est, on a fini. Non, pas encore. Il y a encore un dernier débat. Et après, je vous répondrai sur toutes les questions. Donc, dernier petit disque, dernière petite pause. Voilà, dernière petite pause avant les positions. Et là, écoutez bien les questions, parce que je vais pas... Ouais. Ça sera derrière les deux dernières questions. Hein. Voilà. Et tu jabes pas tout le monde de ce coup-là, toi. Et genre, c'est qui qui commande ici? C'est... Oh, pose ta question. Les jeudis, c'est moi qui commande, mais Max, il fait la réalisation, donc c'est lui qui a le droit de dire ça sera le dernier disque, le dernier. Et t'as pas besoin d'un standardiste pour ton émission? Non, mais ça y est, on a déjà un, mais il est à moitié barjot. Alors, écoutez bien, alors ça sera donc la dernière question des derniers débats du Best of 97, Gérard. Alors, il y aura quoi sur les positions? Aimez-vous pratiquer la position du chou-fleur? L'homme est assis, la femme... Et t'as un cheval sur lui. Et la deuxième... Parle devant ton micro, toujours. Lève la... devant le micro, Gérard. D'accord, couscous. Et la dernière, quelle est la position la plus difficile à y réaliser? Donc on se met un disque et vous avez le temps de réfléchir à ces deux questions-là. Voilà. Donc si vous voulez encore participer à ces deux dernières questions du résumé des débats, des meilleurs débats, des questions des Gérard de débat, de questions de Gérard de débat... De 97. Vous appelez encore dès maintenant au temps de fin de radio. Il y a toujours fil d'art. Il reste encore un petit quart d'heure. 0800 70 5000 et 0803 08 5000. Voilà, c'était là. Voilà, c'était la pique cocu. Donc on revient sur les. Je te file la liste, Gérard. J'entends rien. 04 42 46 01 17. La liste de nouveau. 42 46 01 17. Écoute, donc, s'il vous plaît, là vous calmez. Donc c'est la fin du best-of des années des débats de l'année 97. Donc on récupère Bébert. Salut mon pote. Sonia. Oui. Cucu. Salut mon chou. Mimo. Celui qui a donné mon numéro, Rantel, je lui donne après. Hein. Et celui qui a noté, tu demandes à parler à Lisa l'hippopotame. D'accord, Lisa l'hippopotame, on aura compris que le prochain coup que tu passeras sur un débat en 98, on t'appelle, si on te rappelle, on te mettra Lisa l'hippopotame. Voilà, ça t'apprendra. Comme ça, j'ai tout entendu, c'est super. Donc, ça sera plus Sonia, ça sera Lisa, l'hippopotame. Voilà. On va oublier alors pour le numéro. Voilà, tant pis pour elle. Mimo. Oui. Toujours là, couscous. Toujours présent. Et Herbert. Herbert, tu commences à me les gonfler, hein. Oui, Gérard, est-ce que je peux... Sous la table. Bon, Herbert, s'il te plaît, tu te calmes. Et la censure. Donc, Herbert. Oui. Herbert, t'as le temps de réfléchir à la question, donc je vais commencer par quoi? Écoute, Gérard, moi je pense que la position, en tout cas, est pas mal. Eh, l'hippopotame, là, tu te marres pas comme une... Comme un rhinocéros. Comme un hippopotame. Bon, Herbert. Oui, Herbert, dépêche-toi, il reste plus que 13 minutes d'émission. Oui, Gérard, alors, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, un peu plus lentement, parce que je suis en train de me vider les couilles, là. Bon, Herbert, c'est bon. Couscous. Il a vraiment vidé les couilles quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Bon, tu réponds à la question. Vas-y, repose-moi ta question. Alors, c'est la question sur les positions, c'est ça? Aimez-vous pratiquer la position du souffleur? Ah, l'homme est assis et la femme est à cheval sur lui, voilà. Mais bien sûr, je vais te dire, mon petit Gégé, mais bien sûr, toutes les positions, le client est roi, tu lui fais toutes les positions, par devant, par derrière, sur les côtés, à l'endroit comme à l'envers. Ok. Le client est roi. Mimosa. Oui. Mimosa. Gérard a un fou rire qui n'arrive pas facilement. Mon Mimosa. Gérard, j'aime pas quand tu rigoles, je préfère te voir pleurer. Moi, j'aime bien quand tu rigoles. Mimosa. Oui. Mimosa, vas-y. Gérard, quand alors, la position du chauffeur. Ouais. Prends ta mâchoire, Orasie. Bah, alors, moi, la position du chauffeur, je trouve qu'elle est très agréable. Au niveau des sensations, c'est très bon, mais au niveau pratique, c'est pas ce qu'on a fait de mieux pour gigoter. D'accord. Gugu? Bah ouais, ma position sexuelle préférée, c'est la sieste, et mon temps, le temps de pause clope, il dort plus longtemps que l'amour. D'accord. Chez moi. L'hippopotame? Oh, l'hippopotame, il y a quelqu'un derrière à côté de toi, je te signale. Ouais, c'est un rhinocéros. Bon, allez, oh! Allez, bonjour. Eh, hey, non, dis pas bonjour, tu réponds à la question, hein. Oh! Bon, allez, tu es. Allez, hop. Je vire qui, là? Sonia, là, parce qu'il y a non, quelqu'un... c'est pas Sonia. C'est qui? C'est Mimo. Non, c'est pas Mimosa. C'est Mimolette. Non, ouais. C'est Sonia, là, qui a quelqu'un derrière mais elle. Non, c'est pas Sonia, je te jure. Mais oui, c'est ça, Sonia. Pourquoi elle veut me faire porter le chapeau, elle? Bon, et tu réponds à la question ou tu vires? Allez, réponds. Là. Allez, réponds à la question plus vite que ouais. Ça. Allez, tu la vire. Tu la dehors, celle-là. Bébert. Ouais, y a pas de problème. Alors? Bah, dans tous les sens du terme. D'accord, ok. Bon, bah, dans ce cas-là, ça a été vite fait. Ah, hein. Gérard, tu crains. C'est vrai. Hein. Mais tu sais qui s'amuse à mettre ça? Ça, c'est les mecs. Gérard, donc, ça y est, elle est partie. Tu connais la position. Et de Capucine problème. À la place. Capucine? On l'a eu, enfin. Putain. Alors, Capucine. Allô? Ouais. Allô, qu'est-ce que vous êtes dur, hein? Oh, bah, attends, ça fait 5 fois qu'on me demande de raccrocher, hein. Bah, attends, je suis désolé, mais. En plus, Capucine, c'est le prénom hamster à Candy. Ouais, bon, allez, Capucine, t'as entendu la question ou quoi? Ouais. Alors, alors toi? Moi, j'ai jamais pratiqué, mais non, c'est peut-être sympa. Hein. Non, mais, ouais, d'accord, ok. D'accord, je vois. Donc, tu vas répondre. Non, je vais pas te faire répondre tout de suite à la dernière. Donc, on va demander à Herbert. Oui, non, Bébert. Bébert, tout à l'heure, tu as dégagé, ça va aller vite fait, tu vas avoir répondu à la question, là. Si tu parles, dégager quoi? Tu vas aller voir Fuldar au standard, d'accord? Mais attends, je dégage pas les bronches, là. Ouais, non, mais pour l'instant, tu laisses Herbert parler, d'accord? Ok, et je m'en fous d'Herbert. Bébert, je te signale, pour l'instant... Mais tu m'as déjà viré 3 fois. Ouais, ça fait 3 fois que tu repasses, alors fais gaffe à la 4e, tu repasseras plus, là. Allez, jusqu'à 5. Ouais. Herbert? Oui, non, Bébert. Herbert, quelle est la position la plus difficile à réaliser? Alors, moi, vraiment, la position... Le triple axel, c'est le double salto arrière. Si tu veux, c'est la position quand tu prends la nana dans le frigidaire. C'est vachement dur, quoi. D'accord. Ok, je vois. Non, c'est vrai, surtout dans le panier à glace, là, putain, c'est vachement petit. Couscous? Oui. Couscous? Donc, réponds à la question. Et j'ai pas entendu la question. Alors, merde. Tu répètes, s'il te plaît. Ouais, je vais te la répéter. Couscous, hein, Gérard. Quelle est la position la plus difficile à réaliser? La position la plus difficile à réaliser. Bébert, tu dégages pour de bon. Allez, ce coup-là, Bébert, c'est fini pour lui, tant pis pour lui. Salut, Bébert. Salut, comme ça, il fera pas la conclusion, il répondra pas. Donc, alors, couscous? Alors, la position la plus difficile à réaliser, c'est manger le couscous et baiser la Zoubida en même temps. D'accord. C'est pas mal. Mimosa? Le poirier. Le poirier, c'est quoi ça? C'est la jeune fille fait l'arbre droit. Ouais. Écarte les jambes, et puis le monsieur est debout, il se débrouille. Voilà, et puis tu descends en rappel sur elle. Oh là, punaise. Gugu, pardon, merde. C'est Gugu le pointu. Ouais, ouais non. La levrette, j'y arrive pas. D'accord. Capucine, pour finir. Moi, je sais pas. Ouais. Non, franchement, j'ai aucune idée, quoi. Et genre, je peux te poser une question? Oui. C'est quoi ta position préférée? Voilà, ça c'est une très belle question qu'il faut que je réfléchisse. Il faut que je te réponde tout de suite? Non, je ne comprends pas. Moi je sais, c'est couché, mort, décaloté. Non, alors. Capucine, attention à ce que tu dis. Tais-toi! La piscine, tu vois. C'est pas moi, je te jure que c'est pas moi. Voilà. La position préférée, c'est lever, monter avec la main droite. Hey, Gérard, est-ce que c'est vrai que ta position préférée, c'est la position du chauffeur routier, c'est-à-dire que tu t'en manges sur le manche à balai, quoi, le manche à vitesse, quoi. N'importe quoi. Tu connais le fond de main? Hey, attention, Capucine, parce qu'il y a que toi qui dis ça. C'est toi, Capucine, c'est toi. Non, c'est pas moi. Donc, alors, je vais répondre quand même à la question à Mimosa, parce que sinon, elle va encore me la reposer une troisième fois, puis je vais pas y avoir répondu. Bah alors, Mimosa, tu vois, c'est la position de la cabine téléphonique, c'est-à-dire que tu mets le combiné téléphonique. Non, c'est la position la plus dure à réaliser. Et c'est celle qui fait le plus mal. C'est celle qui fait le plus mal à une nana, c'est-à-dire... La sodomie. Non, voilà. Mais celle que tu préfères. Moi, celle que je préfère, c'est la levrette. Ah, moi aussi. Moi, j'aime pas, moi. Tu peux me donner des conseils, Gégé? Donc, alors... Gégé, tu peux me donner des conseils pour la levrette? On va peut-être terminer, parce qu'il reste 5 minutes. Que mais chacun... Pas de questions sur 98, voilà, non, on va faire très vite. On va 98, on verra... je verrai ça si, en début d'année. On va vous poser des questions. En fin de compte, qu'est-ce que vous souhaitez de bon pour la bonne année, chacun à votre tour. Capucine. Oh, dans le monde. Capucine. Je sais pas... Ah, ça pue. C'est lui qui s'est mis à faire ça là-bas. Donc, Capucine. Moins de chômage, comme tout le monde. Hein, Voilà. Voilà, d'accord. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, moins de chômage, la paix dans le monde et de tout le paradis. D'accord. Cucu. Bah, moi, j'espère un jour manger chez toi. Bah, là, tu rêves. J'aimerais bien. En 98, ça s'est passé en 97. Ouais, bah, là, je vais te dire une chose que tu rêves. Tu vois. J'espère avoir ton numéro de tatou. Qui? Capucine. Non, mais tu rêves, Capucine. De toute façon, il marche plus son tatou. Attends, tu sais qui dit ça, là? C'est moi, c'est Gugu. Ouais, comment tu sais qu'il marche plus? J'avais le numéro ARP, puis je te les ai expliqués. Alors là, mon pote, tu vas voir. Là, tu sais ce que tu vas faire? Ouais. Là, tu vois, Max, il est libre, là, pour l'instant, il va te prendre. Il veut sortir avec moi. Je suis célibataire, là, si ça vous arrive. Max, tu l'attrapes, comme celui qui s'amuse à le dire. T'es célibataire, tu veux m'attraper, cochon. L'écran, en fait. Donc, Mimosa, pourquoi? Beaucoup plus d'amour, d'humour et de rencontrer. Alors, amour, humour et rencontre. C'est pas compatible, hein. Ça fait trois choses pour la même année, c'est bien. Couscous? Ouais, bah, moi, Gérard, pour 98, je voudrais faire une couscous partie avec toi. Ah oh, oui. De quoi? Je voudrais faire une couscous partie avec toi. Il voudrait te prendre les fesses dans la semoule. Herbert? Et aussi, j'ai Odolis. Bébert, celui-tu dégages. Non, Bébert. Non, c'est Herbert qui me reste. Alors, moi... Et Couscous, j'avais pas fini. Ah, excuse-moi, Couscous. Et aussi, si elle m'écoute, Aïcha, reviens vers moi. D'accord. Oh, oui. Herbert. Non, Bébert. Alors, Herbert. Oui, c'est Herbert, ouais. Alors, moi j'aimerais que, pour 98, qu'après avoir rencontré une baleine, tu rencontres un cachalot pour se marrer, quoi. Bah, d'accord, t'es sympa avec moi, là. Non, c'est génial. Là, c'est vachement sympa. Ouais. Je te fous une carte dans le cul, c'est génial. Ouais, donc, là, Bébert, comme t'es encore là. Ouais, pour 98, j'espère que tu continueras les débats sur Sky ou une autre radio. Europe 1. Bien sûr, c'est d'accord. C'est ça, vous avez raison. Que tes projets de télé, se passent bien. Et puis, que tu continues à parcourir toute la province, toute la France et les pays étrangers pour les débats et pour les poèmes. Et puis, moi, Bébert, je l'aime bien, mais que tu fais trouver quand même l'âme sœur, une chaussure à ton pied. Ben là, pour l'instant, il y en a une qui a souhaité trois trucs à la fois, donc c'est pas mal. Ouais, ouais. Donc, moi je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que Gérard va trouver cette année chaussure à son vœu parce qu'il est devenu tellement une star grâce à Fan Radio. Max, tu veux quoi? Ben, je sais déjà qu'il traîne avec un ton, donc. Quoi, pour 98 hein? Moi, ce que je veux, ouais. Je sais pas. Je peux rajouter quelque chose? J'ai déjà tout, moi. Mais Max, t'as toujours pas trouvé ma bouche à ton pied? Je suis déjà blasé. Moi, j'aimerais rajouter. T'as déjà tout, partage un peu. Attendez, là, qui c'est qui veut rajouter quelque chose? Bébert. Oui, qu'est-ce que tu veux rajouter, Bébert, très vite? Je sais qu'il traîne avec un ton en ce moment, c'est pour ça. Non, mais c'est bien, Bébert, mais c'est pas Bébert qui voulait parler, c'est Mimo. Moi, j'aimerais que Max, il se mette plus souvent de profil sur la caméra parce que j'adore sa pomme d'Adam. Non, mais c'est vrai. Je tâcherai. Donc, Gérard, toi, qu'est-ce que tu penses pour l'année 98 et qu'est-ce que tu souhaites? Déjà, ce que je souhaite, continuer les débats avec toi. Donc, avec les mêmes, ouais. Non, pas, attendez. Laissez-moi répondre à la question que Max a posée. Oui. Ça serait sympa de votre part, merci. Vas-y. Ouais, je veux dire, ouais. Donc, c'est de continuer comme on a fait en 97. de continuer les débats. Voilà. Que je reprenne, c'est sûr, des nouveaux poèmes, que je me remette dedans comme l'année dernière. Ouais, c'est vrai que la fin de l'année 97, septembre-décembre, a été très mauvaise. Très mauvaise. Tu reviennes comme à la bonne époque, à la cabine de temps en temps, c'est pour faire plaisir la semaine. Novembre, décembre, tu veux dire 4 mois. Il faudrait que tu reviennes, c'est comme à la bonne époque, c'est dans la cabine de temps en temps, tu nous appelles, tu dis tiens, j'ai écrit des poèmes, c'est comme à l'époque. Bah là, je crois que je dois en avoir un ou deux qu'on devait faire à Namur. Enfin bref, j'espère que tu vas le faire. Est-ce que tu promets? Ouais, là j'ai. Attends, est-ce que tu jures que tu vas faire des nouveaux poèmes dans la cabine? Pas toujours revenir à la radio, mais dans la cabine aussi. Avec le son dans la cabine, c'était bien à l'époque où j'ai arrêté dans la cabine de Suresnes. Hein. On essaiera de trouver un autre système après. D'accord, ok. Un système avec une balise, c'est par satellite. Donc, refaire des poèmes, ouais, continuer des soirées comme on a fait en 97. D'ailleurs, s'il y a des patrons de boîtes qui veulent que Gérard vienne, hein, et que je vienne aussi, bah, qui n'hésitent pas à nous écrire, à nous appeler, on fera suivre. Et voilà, quoi. Et puis trouver, bien sûr, l'âme sœur. L'âme sœur, ouais. Et bien sûr, du boulot. Voilà, et du boulot. En plus de ça, il faut dire qu'il cherche. Il se lève tous les jours à 18h, il boit son petit café pendant une demi-heure, il vient à la radio, il est 20h. Il cherche du boulot. Hein. C'est vrai que t'as pas vraiment cherché du boulot hein, cette année. On peut pas dire que t'as vraiment cherché. Hein. Pas trop, non. Mais le boulot, il peut pas venir si tu cherches pas, GG. Hein. Donc voilà. Merci à vous d'y avoir participé à ce débat best-of. Hein. Mimosa, tu raccroches pas comme tu voulais me parler en antenne. Ah, les autres non plus, je crois que vous voulez parler à Gérard en antenne. Oui. Allez, pour la nouvelle année, il vous prend tous en antenne. Allez, tous en antenne, vous restez, ne quittez pas, là, vous allez retrouver qui? Eh ben, c'est Bart, là, pour... Bart pour la nuit sans pub, et 6h, 9h, Ginny, Lorenzo, et puis... Si tu veux, ouais. On s'en fout, ouais. Ouais, si tu veux. Et n'oubliez, et puis ce soir, 22h minuit, le Star System. Avec deux remixes exclus Gérard, on a écouté tout à l'heure, on en écoutera, c'est le mec qu'on a écouté tout à l'heure, on en passera deux, peut-être un résumé de ce qui s'est passé ce soir, si on a eu le temps, parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Puis minuit, on retrouvera de nouveau, comme à la bonne époque, les mix, je ferai un petit mix trans-goa, très bien. Très bien. Non, pour ceux qui aiment vraiment la trans et la goa, là... Attention, Phil Dye, il le sait. On termine avec les DAS. Les DAS Pike. Voilà. Il n'y a pas de soirée à Loco. Si, il y a une soirée à la Loco, je ne joue pas, mais c'est repos pour tout le monde. Mais il y a quand même Stambase qui joue à la Loco, donc c'est vrai, il a raison. S'il y en a qui veulent y aller, ben, vous pouvez toujours appeler encore. Hein. Non, là, il n'y a pas de place, là, malheureusement. Ah, non, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours y aller pour 60 balles avant minuit. Vous allez voir, vendredi, si vous aimez la techno, vous allez directement là-bas et vous serez gâté avec Stambase quand même. Voilà. Gérard, à jeudi prochain, sinon, j'espère dans la cabine cette semaine avec des débats. Avec des débats. Avec des poèmes. Ah ouais, puis peut-être des réactions sur s'il y a des petits trucs de débat en espérant que je me fasse pas raccrocher au nez. D'accord, fait. Pas de problème. Merci donc, voilà. Gérard, bonne fin de nuit. Dans un instant, Bart avec les fun embrouilles. Et tout de suite, les DAS. Oui.